couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 26. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à notre adresse email dempart, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart, dempart@dnmx.org. Donc le service est rétabli. C'était un petit problème technique passager. Comme je l'avais indiqué dans une émission précédente, si vous inscrivez sur le forum avec les adresses DNMX, ça ne passe pas trop puisque c'est considéré comme automatiquement du spam, donc l'enregistrement n'a même pas lieu. Donc si vous avez des services email alternatifs ou alors vous nous contactez. Alors, il y a des personnes qui nous ont contactés, mais on n'a pas eu le temps encore de régler ce problème-là. Ça ne devrait pas trop tarder. Veuillez nous excuser un petit peu pour les inscriptions tardives sur le forum. Donc, je passe maintenant au forum. Vous pouvez vous inscrire. La plupart du temps, ça se passe très bien, je veux dire, au niveau des inscriptions hein, sur le forum. Hein, Europe Écologie Les Brins, EELB.SU, EELB.SU. Donc, vous y trouvez différentes sections. Guide racial des villes, commenter les émissions, commenter l'actualité. Bon, il y a une rubrique révisionnisme, Vincent y contribue beaucoup. Informatique, crypto, enfin, il y a toute une série de sous-sections. Allez-y, n'hésitez pas. Et si vous avez des soucis, contactez-nous. Et pour ceux qui nous ont déjà contactés, veuillez nous excuser du retard. C'est vrai qu'on a été pas mal occupés. Maintenant, avant de remercier nos donateurs, je vais procéder à la présentation des membres de cette semaine. Je vais commencer avec Sobieski, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Sobieski. Avec Gandalf. Est aussi avec nous cette semaine un petit nouveau, Nogaret, dont j'aime bien le pseudonyme. Eh bien, mes salutations à l'équipe et aux auditeurs. Je suis content de pouvoir participer et j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et aussi avec nous cette semaine, Merlin. Salut Merlin. Ah, salut à tous. Bah, écoutez, moi ça va. Je continue ma vie de français rythmée entre le travail et le babysitting de nègre. Toutefois, je poursuis ma mission de grimoirisation des esprits, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois ce que tu veux dire. Et cette semaine, normalement, nos auditeurs en seront gratifiés. Aussi avec nous cette semaine, Vincent. Qu'on ne présente plus, hein, Vincent Renoir, bien entendu. Oui, bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, comment dire? On va remercier les donateurs, mais avant on va commencer avec Vincent. Donc vous savez que, bon déjà on met en avant sur Démocratie Participative le contenu de grande qualité que produit Vincent. En ce moment il s'attelle à une série exceptionnelle autour du Troisième Reich, comme probablement jamais présenté encore à ce stade, de manière aussi synthétique et didactique. Et donc cette série, elle est présentée, comme je le disais, sur le site. Alors, sur la chaîne de Vincent, vous pouvez la retrouver. Alors, il y a un décalage hein, entre ce qui est mis sur le site de Démocratie Participative et ce que produit Vincent. Vincent, évidemment, va plus vite. Alors, pour retrouver tout le contenu produit par Vincent, il suffit d'aller sur son site internet, dont je vous donne l'adresse immédiatement, blog, blogue-sc.com. blog-sc.com. Donc pour blog sans concession.com, hein, c'est une abréviation, le SC. Et là-bas, vous allez pouvoir évidemment accéder au contenu de Vincent, c'est-à-dire ses vidéos, articles, etc. Et surtout, vous allez pouvoir le soutenir financièrement, puisqu'il consacre énormément de temps à la production de ce contenu qui ne vieillit pas avec le temps, hein, par définition. Donc, reportez-y-vous et vous pouvez lui faire un don en crypto, aussi en liquide. Il y a une adresse postale physique qui lui permet de recevoir vos dons. Et maintenant, je donne la parole à Vincent, qui peut peut-être préciser tel ou tel élément sur tout ce que j'ai dit, ou remercier ses donateurs, puisqu'il m'a dit qu'il avait plusieurs donateurs à remercier. Comme il y avait un petit décalage dans le temps, il n'avait pas pu le faire jusqu'à présent. Oui, et ben merci de me donner la parole, c'est très gentil. Alors, je tiens à remercier d'abord tous les donateurs, anonymes ou non, mais il y en a quatre plus particulièrement qui m'ont demandé si c'était possible de confirmer, de les remercier en ligne. Alors, il y a une dame qui a signé une admiratrice, hein, qui a donné 20 euros. Je la remercie. Il y a Dédé La Tulipe, qui a donné 50 euros. Merci beaucoup, Dédé. Il y a Nicolas de Lausanne, avec aussi un don de 200 francs suisses. Et il y a Combattant Meurtri, qui a fait un essai en donnant 10 euros. Et bien, Combattant Meurtri, sachez que c'est bien arrivé et nous en remercions de tout cœur. Alors, en effet, merci à tous ceux qui me soutiennent, surtout pour cette série qui est donc le résumé de 30 ans de recherche révisionniste sur le Troisième Reich. Ça va balayer l'histoire de 1918 à 1945, en gros. J'en suis au 17e épisode. Je l'ai mis ce matin en ligne, le 17e. Je pensais qu'il y aurait 19 épisodes, mais en fait, il y en aura plutôt 30-35. C'est pas du tout le même truc. Là, ton projet a pris du volume en le faisant, en fait. Oui, parce que en fait, c'est toujours le problème, c'est que on réfute un mensonge, mais ça appelle, comme les mensonges des adversaires se tiennent les uns sur les autres, quand on réfute un mensonge, il y a tout de suite un autre mensonge que si on ne réfute pas, la première réfutation n'a pas grande force. Donc de là, je dis, ah ben oui, mais là je dis ça, mais si je dis pas ça, ça porte pas tellement. Et c'est toujours la même chose, hein. Depuis des années, j'annonce des choses très courtes, et puis au bout d'un moment, ça croît, parce que ben voilà, il faut remonter 80 ans, pratiquement, 80 ans de mensonges. C'est pas évident, hein. C'est comme remonter pratiquement une cascade. Donc en effet, voilà, j'en arrive là à peu près donc à 30-35 épisodes, comme je l'ai expliqué la dernière fois, hein, vous savez. Un épisode, rien que le montage me prend entre 15 et 20 heures, sans parler de la mise au point de l'épisode, c'est-à-dire le texte, le plan, les documents à scanner, etc. C'est un énorme travail que je fournis gratuitement par devoir, mais voilà, pour ceux qui peuvent m'aider, surtout que maintenant, moi, j'ai plus de revenus, puisque, eh oui, je vis comme ça, hein, un peu au jour le jour, eh ben, je remercie toutes celles et tous ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup. Oui, mais c'est une synthèse qui a vocation à rester, comme je le dis, puisque là, ce sera vraiment un point de vue révisionniste sur la totalité de la période du Troisième Reich, mais avant le Troisième Reich, et peut-être même, alors ça, c'est peut-être pas ton projet, mais peut-être même un petit peu après aussi, hein, c'est pas totalement impensable d'imaginer quelque chose spécifiquement sur le procès de Nuremberg et ensuite les retombées de Nuremberg, hein, mais bon, là on n'y est pas encore, mais c'est vrai que quand on se lance dans un projet comme ça, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Alors, tu as une idée de la durée approximative de, si tu, en tout cas sur tes travaux actuels là, qui vont t'amener à faire une trentaine d'épisodes, mis bout à bout, combien d'heures de vidéos ça peut donner? Alors, ça prendra environ 8 heures de vidéo, oui, à peu près, 8-9 heures. Alors, elle va être ensuite, la série va être publiée sous forme d'un coffret, de DVD, ou peut-être sur des clés USB pour ceux qui voudraient, de façon à pouvoir rester. Et en plus, si Dieu me prête vie et me prête la liberté, je la mettrai en livre. Comme ça, les gens qui préféreront la lecture, donc ce sera un livre illustré du genre un peu de celui qui va paraître en septembre sur Oradour. Voilà. Oui, d'accord. Alors, il y a des gens qui pourraient dire, mais quand même, 8 heures, c'est long. Bon, bah, Shoah, ça dure 8 heures. Je veux dire, c'est... Et en plus, sur du vide. Donc, c'est quand même... voilà. Donc, avis est donné à nos auditeurs, à tous ceux qui veulent soutenir tes travaux. Le message est passé et les donateurs ont été remerciés comme il se devait. Donc je passe maintenant aux donateurs de DP, ceux qui nous soutiennent aussi au quotidien, ceux qui permettent aussi de continuer à notre initiative de se poursuivre. Alors, comme vous le savez, nous ne pouvons pas utiliser les plateformes traditionnelles, donc hors de question d'utiliser de cartes de crédit, ou hors de question d'utiliser PayPal, évidemment, pas de Tipeee, rien de cet ordre, ça n'est pas possible pour nous, on passe exclusivement par les crypto-monnaies, mais pas non plus par n'importe quelle crypto-monnaie, puisque nous utilisons une crypto qui est intégralement anonyme, c'est Monero, elle est éprouvée, hein, elle est très, très éprouvée maintenant, et elle garantit l'anonymat des personnes qui nous font le don, elle garantit l'anonymat des personnes qui reçoivent le don, ainsi que l'anonymat du montant de la transaction. Voilà. Donc tout ça permet de financer ce que nous faisons. D'une manière générale, vous gagnez, comme je l'ai souvent expliqué, à maîtriser l'outil crypto, d'accord ? Je ne parle pas ici d'investissement ou de quoi que ce soit de cette nature. Je dis comme outil de paiement qui ne peut pas être, dans le fonctionnement duquel ne peut pas interférer les autorités. Voilà, c'est ça en fait le vrai avantage des cryptos, surtout anonymes, bien sûr. C'est-à-dire qu'avec PayPal, avec un RIB, un compte bancaire, quoi, les autorités peuvent complètement intervenir et empêcher un financement. Alors, il y a toujours le moyen, entre guillemets, de payer en liquide, hein. C'est pour ça que Vincent dit souvent aussi qu'il a une boîte postale physique, c'est très bien, mais vous savez que les autorités entendent supprimer l'argent liquide. Hein. Vous savez que c'est à l'ordre du jour. Donc, le liquide de la main à la main, c'est encore possible, mais plus pour très longtemps. Donc, restent les cryptos, mais pas n'importe lesquels, et Monero en l'occurrence. Donc, c'est utile de le dire, mais pas uniquement pour nous. Hein. C'est d'une manière générale pour les activités à caractère militante ou pour toute activité dont les promoteurs ne veulent pas que les autorités interviennent. Voilà, je pense que c'est très très utile. Donc je consacre toujours un petit peu de temps à le répéter, à le rabâcher, mais bon. Alors, les dons cette semaine. Chers amis, je vous ai fait un don de 0,27 Monero. L'avez-vous bien reçu ? Alors, nous ferons cette confirmation cette semaine, puisque à chaque fois, si vous voulez, il faut qu'on consulte nos fichiers de donateurs qui sont mis à jour progressivement. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas être aussi réactif que certains voudraient en nous demandant « Est-ce que vous pouvez confirmer ?» On ne peut pas le faire tout de suite. Il faut aller les consulter, quoi. Alors, ce n'est pas non plus que ça prend des années, mais enfin, il faut faire la petite opération. Et donc, voilà. Donc, ce sera, donc j'enverrai confirmation, bien sûr, si c'est fait. Je ne peux que vous féliciter pour la très grande qualité de votre travail et la noblesse de votre engagement. Sinon, j'ai une pensée pour l'un des plus grands écrivains français, à savoir Hervé Ryssen. Dans son livre « Les espérances planétariennes », il démontre qu'une clique internationale déracinée a pour but de détruire les nations et les frontières afin d'instaurer un gouvernement mondial. Après avoir lu cet ouvrage, il y a 4 ans, je m'étais dit que ce programme planétarien nécessitait la destruction de la Russie et de la Chine. Or, Vladimir Poutine a clairement dit qu'il déclenchait contre l'Ukraine une guerre préventive afin d'empêcher des attaques ultérieures de grande ampleur contre la Russie. Pensez-vous que la guerre en Ukraine est une réaction au programme destructeur des élites planétariennes ou s'agit-il d'autre chose ? Merci. Amitié, et c'est signé Heinrich. Comment dire ? Alors, je me permettrai de répondre sur ce point. Les intervenants, bien sûr, seront invités également, hein, à donner leur point de vue, mais puisque notre donateur pose la question, est-ce que, de votre point de vue, est-ce qu'il y a un plan concerté? Est-ce que ce qui se passe en Ukraine est une conséquence de ce plan? La réponse est, de mon point de vue, oui, bien sûr, évidemment. Il y a différentes forces en Occident qui convergent pour une espèce de fuite en avant qui vise à la... qui est une espèce de contre-attaque, en fait, hein, à un basculement qui est en train de s'opérer sous nos yeux et qui est le déplacement du centre du monde, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et qui est le résultat, en fait, de l'émergence au plan financier et économique des puissances asiatiques. Alors, ça dépend les limites de l'Asie, mais disons que quand on intègre l'Inde, l'Asie du Sud-Est, la Chine et d'autres pays, on a là le centre de l'économie mondiale, en fait, du XXIe siècle. Et l'Atlantique n'est plus le centre des échanges économiques mondiaux comme ça a été le cas au XXe siècle. C'est un changement qui a eu lieu extraordinairement rapidement. La Chine s'est pratiquement faite en 40 ans, hein, elle est sortie du communisme et de la d'un statut d'état du tiers monde à un pays qui n'est pas encore aussi développé, bien évidemment, dans sa profondeur que le sont les puissances occidentales, mais enfin qui, en tout cas, sur sa côte, hein, sur son périmètre côtier, est très largement développé. Et il y a encore beaucoup de travail, mais c'est une puissance qui est très clairement en train de se développer très très vite, de manière de plus en plus rapide. Cela appelle la concentration de technologie, de capital. Ça veut dire aussi que maintenant, la Chine est en mesure de prêter de l'argent à des États, donc d'être un créancier, et en échange de ces prêts, eh bien, d'exercer une influence politique sur ces États. Et c'est évident que le bloc occidental mené par les États-Unis et par la finance new-yorkaise ne voit pas ça du tout d'un bon œil. Hein. Alors, maintenant, ça c'est la dimension asiatique, mais vous voyez que la Chine est de plus en plus ciblée par les États-Unis, aussi même hein, d'une manière générale par les médias. Bon, vous avez vu qu'il y a eu des tensions autour de Taïwan, là, mais sans s'y intéresser, le plan des élites occidentales vise d'abord en fait à conquérir la Russie, puisque si on conquiert la Russie, on encercle complètement la Chine. Hein, elle est totalement encerclée, et donc elle est extraordinairement fragile. Donc, je sais que c'est une discussion qui a lieu même... qui a lieu aux États-Unis. Il y a des gens qui disent, mais c'est contre-productif d'attaquer la Russie, puisque ça pousse dans les bras de la Chine la Russie. Il faudrait au contraire essayer d'attirer la Chine dans le camp occidental. Bon, c'est ce qu'avait essayé de faire d'ailleurs Nixon, mais à l'inverse, en essayant d'attirer la Chine vers les États-Unis. C'est comme ça qu'ils ont ouvert la Chine d'ailleurs au capitalisme international. Hein. Et c'est ça qui a lancé d'ailleurs l'essor de la Chine. C'était pour détacher la Chine de la sphère soviétique, puisqu'il y avait des tensions très fortes entre le pouvoir soviétique russe et entre le pouvoir maoïste, pour des raisons idéologiques, mais pas uniquement. Donc, certaines élites aux États-Unis proposaient de faire la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire d'isoler la puissance la plus forte, la Chine, et de séduire la puissance la plus faible, la Russie. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un vieux contentieux entre les élites financières new-yorkaises, juives, et la Russie, depuis les tsars, et même après, et plus particulièrement après la chute de l'Union soviétique et la montée au pouvoir de Poutine, il y a eu l'éviction de certains oligarques, il y a eu certains financiers américains qui avaient des projets pour la Russie, en fait de mise en coupe réglée des ressources de la Russie, notamment des gens comme Bill Browder, qui est très très très très actif et très virulent contre la Russie, très influent aussi, c'est un financier juif américain, qui depuis Larry Ellison, en fait, essaye de mettre en coupe réglée la Russie avec d'autres financiers juifs et qui n'y parvient pas. Donc, ce qui peut paraître logique au plan purement géopolitique, c'est-à-dire essayer de séduire la Russie pour la détacher de la Chine, n'est pas nécessairement suivi d'effet dans la pratique, puisque des forces peuvent, pour des raisons en partie irrationnelles, vouloir s'attaquer prioritairement à la Russie, et c'est en fait le cas de la finance juive, hein, pour des raisons vraiment culturelles, historiques et de rancune ethnique. Hein. Bon, je ne vais pas refaire tout l'historique de l'antisémitisme en Russie, mais enfin bon, il y a quand même un contentieux très lourd. Donc tout ça pour vous dire que oui, c'est absolument pensé de cette manière, et Vladimir Poutine, quoi qu'on pense de sa guerre en Ukraine, est-ce qu'elle est bien menée, est-ce qu'elle... Bon, ça c'est autre chose. Mais du point de vue russe, il est évident que la Russie joue sa peau. C'est clair. Et de l'autre côté, compte tenu de l'état du système financier occidental, qui tu aujourd'hui n'est une pile de dettes, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, là, c'est quitte ou double pour tout le monde. Hein. Il ne peut rester qu'un vainqueur. C'est la dynamique générale aujourd'hui. Donc oui, évidemment, c'est un plan concerté, alors avec différentes factions, différents groupements d'intérêts, il y a des gens différents dans cette coalition, il y a des contradictions aussi, bien sûr, vous avez des gens comme Soros, bon, j'ai cité des gens comme Bill Browder aussi, vous avez des gens qui sont anti-russes aux États-Unis depuis la guerre froide, ils sont anti-russes parce qu'ils sont anti-russes, voilà, si vous leur demandez pourquoi, ils ne savent pas exactement pourquoi, mais ils sont anti-russes. Vous avez des vieilles rancunes ensuite territoriales, donc là c'est les Polonais, les Baltes, les Ukrainiens, qui sont utilisés à dessein par ces puissances-là, d'accord, qui versent de l'huile sur le feu, qui excite, si vous voulez, les tensions, voilà, et ce qui nous donne la situation actuelle, voilà. Oui, voilà. Donc ce que, à grands traits, hein, ce que je voulais dire. Donc du point de vue russe, ils ne peuvent pas rester l'arme au pied, attendre, si vous voulez, que les forces qui ont subverti l'Ukraine passent leurs frontières et subvertissent Moscou, puisque c'est l'objectif affiché. De la finance juive américaine. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère là-dessus. C'est démanteler la Russie et créer des États fantoches qui seront répartis entre toute une série d'oligarques juifs. Hein. Plan qui est promu aussi par l'impérialisme polonais, ce qui est assez peu connu. Mais si vous allez sur Twitter, sur les comptes qui sont les comptes polonais alimentés par la Pologne, vous allez voir... mais des cartes très très sérieuses, hein, attention, hein, ça fait rire quand on les regarde, mais je veux dire qu'ils sont promus et mis en avant de manière très sérieuse en disant voici la carte des peuples libres de la sphère russe, et on vous explique, bon, on crée des états à partir de rien, hein, on prend un bout de Sibérie ici, on prend un bout de Caucase là, on crée un pseudo-état, et on dit voilà, ça c'est la fédération des démocraties, machin, dans l'après-Poutine. Ouais. Bon, les Russes, si vous voulez, ils sont quand même obligés de regarder ce qu'on leur met sous le nez aussi, ça. Je veux dire, c'est pas que de la propagande, c'est aussi sa vocation à être un programme. Bon, on met ça sous le nez du peuple russe, des élites russes, c'est pas une question d'identité du chef de l'État en Russie à un moment donné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun russe qui peut accepter ça. D'accord ? Vous ne pouvez pas expliquer que vous allez démanteler la Russie en 20 ou 25 États et que les puissances financières occidentales vont se répartir le gâteau entre elles. Non, vous, quand vous faites ça, vous poussez à la guerre, et à la guerre totale. Et quand vous voyez les Polonais faire ça, ce sont des idiots utiles de ces gens-là, et ça aggrave considérablement la situation. Donc, si vous voulez, et j'en termine, parce que je suis un peu long, mais il faut quand même bien poser la discussion, les gens qui se focalisent exclusivement sur la dimension ukrainienne de ce conflit ne comprennent rien à ce qui se passe. C'est comme se focaliser, si vous voulez, sur les histoires de frontières dans la poudrière balkanique en 1913, pour essayer de comprendre le premier conflit mondial. C'est exactement le même ordre, quoi. C'est, voilà, Donbass, pas Donbass, un morceau de Crimée, pas un morceau de Crimée. Non, c'est pas le sujet. C'est-à-dire, ça, c'est des querelles de voisinage qui sont excitées. Mais si ça ne concernait que les Ukrainiens, que les Russes, tout le monde s'en foutrait. Les médias occidentaux s'en foutraient, les États-Unis ne déverseraient pas des dizaines de milliards de dollars d'armement sur ce pays, tout le monde s'en foutrait. Ça n'intéresse les puissances occidentales que parce qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus considérables sur la table. D'accord ? Voilà. C'est comme les conflits en Afrique. dont tout le monde se fout, qui sont ultra meurtriers, mais dont tout le monde se moque parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Vous voyez, c'est toute la différence. Voilà, vous avez au Congo, comme ça, il y a je ne sais combien de... Il y a une guerre civile permanente qui est très, très, très, très sanglante. Tout le monde s'en moque parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour les grandes puissances. En Ukraine, il y a un enjeu capital, donc les médias sont focalisés dessus, parce qu'il y a des ordres. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je vais solliciter nos autres intervenants. Ils ont peut-être un point de vue différent du mien là-dessus. Mais c'est l'occasion de répondre à notre auditeur là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est un plan planétarien, donc juif, pour reprendre l'expression d'Hervé Ryssen, ou pas ? Eh bien, moi j'irais totalement dans ton sens. Je pense que tu as développé une analyse très juste. Et sur le programme destructeur des élites planétariennes, si vous me le permettez, je développerai trois profils, on va dire, trois personnes. La première, ce serait sur la théorie, Zbigniew Brzezinski, avec son livre Le Grand Échiquier, qui est au final un guide de la fin des années 90 sur la géopolitique, la géostratégie pour les États-Unis, pour rester hégémonique. En fait, il prévoyait déjà à ce moment-là une lutte contre la Russie, si celle-ci ne devenait pas démocratique. Démocratique, on comprend ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire soumise aux États-Unis. L'Ukraine était décrite dedans comme un état pivot, donc un état sur lequel appuyer pour affaiblir la Russie, et il annonce déjà à ce moment-là l'extension de l'OTAN parallèle à celui de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour lui, en 2020, l'Ukraine devait déjà faire partie de ces deux entités, comme quoi on a du retard. Et il l'avait très bien dit, il valait mieux faire cette extension OTAN-Union européenne plutôt que d'améliorer les relations avec la Russie. Pour lui, c'était un enjeu de domination. C'était il y a 25 ans, on pourrait se demander si c'est toujours valide. Il n'y a qu'à regarder le BHL mondialiste qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui est un Israélien, qui a fait des livres très médiocres mais très vantés par l'élite mondiale, comme Bill Gates ou Obama. Et c'est vraiment le pape du mondialisme. Son avis lui a été demandé dès le début mars sur la guerre en Russie, en Ukraine, pardon. Il a un avis anti-russe et pour lui, les États-Unis sont innocents. Mais on voit qu'il y a une continuité avec Brzezinski, sans l'honnêteté bien sûr. Donc ça c'est pour l'idéologie. Maintenant on pourrait se demander si l'idéologie étant toujours d'actualité, est-ce que la pratique suit ? Eh bien je présenterai simplement le profil d'Anthony Blinken, qui est pour ceux qui ne le sauraient pas le secrétaire d'État des États-Unis. Grosso modo c'est lui qui gère la politique extérieure du pays. On sait très bien que Biden est sénile. En plus de ça, Biden avait dit, à propos de lui, « Nous travaillons ensemble depuis 20 ans, vos qualités diplomatiques sont respectées de façon égale par vos amis et vos compétiteurs dans le monde, et ils savent que lorsque vous parlez en mon nom aussi. » Ça, c'était une de ses citations. Donc, on comprend vite à qui sont remises les clés du pays. Il est dans la diplomatie depuis 1995, côté démocrate. Il a poussé à la guerre d'Irak, il a poussé au contrôle de la France pour qu'elle rentre en guerre contre Bachar al-Assad en 2012, grâce à Fabius. Et pour faire un petit historique de qui est cette personne, eh bien, son grand-père, je crois, ou arrière-grand-père, est un Ukrainien, juif. Et son idéologie est la suivante, c'est une citation d'un de ses amis. L'origine de sa vision du monde est cette scène du char avec ce noir américain venu libérer l'Europe. Pour lui, l'Amérique est cette force bienveillante, ce tank aux bras ouverts, ce défenseur de la liberté et des droits de l'homme qui parfois doit intervenir pour défendre les droits des autres peuples. Donc, voilà. On peut résumer vraiment à cette vision du char avec ce noir américain venu libérer l'Europe. Donc en fait, celui qui gère la politique des États-Unis et aligné sur l'idéologie qui est développée depuis des dizaines d'années maintenant par ce pays pour contrôler le monde. Maintenant, est-ce que Poutine a voulu entraver ce plan? Je pense qu'effectivement, comme l'a très bien dit Gandalf, c'est une question de survie pour lui. Oui, c'est intéressant ce que tu as dit. J'aime bien l'image usée par Blinken, hein, le noir juché sur son char qui libère, entre guillemets, l'Europe. C'est une conception qui est partagée par beaucoup de Français. Je suis toujours assez amusé de le constater. Il y a beaucoup de Français, quand on leur montre un tirailleur sénégalais, un tirailleur algérien qui débarque dans le sud de la France en 1944, il est tout ému. Dire « Ah, la libération !» et les mêmes vont gueuler parce qu'il y a, des Noirs et des Arabes dans la rue qui touchent le cul de leur fille. Je ne sais pas à quel moment, je sais pas par quel ressort psychologique ils arrivent à ne pas faire le lien entre les deux événements, mais je pense que Blinken fait complètement le lien entre les deux événements pour la partie américaine, mais il y a une continuité. Et oui, il y a une continuité, on le voit avec l'Ukraine. C'est intéressant ce que tu dis aussi, de dire les origines des juifs au pouvoir aujourd'hui. Dans le cas de Blinken, c'est un juif ukrainien, c'est très très révélateur, très très révélateur. Dans un autre registre, un peu plus près de nous, ancien responsable de Macron pour les affaires européennes, qui est Clément Beaune, maintenant qu'il a recasé dans les transports, pourquoi pas, et qui lui-même est un juif d'Ukraine, hein, et qui était très très véhément en début de conflit. Bon, évidemment, maintenant c'est moins son domaine, mais disons qu'en début de conflit, il était très très virulent, et c'est évidemment le caractère ancestral de sa lignée qui s'exprimait à travers lui, hein. Et je sais que il faut y être sensible, hein, il faut être observateur de ces détails généalogiques, parce que si on peut être tenté de dire oui, voilà, bon, d'origine juive. Il faut savoir que chez ces gens-là, il n'y a pratiquement pas de distinction dans leur esprit entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Alors, pour les Européens, c'est très difficile à comprendre, ça. C'est un univers mental psychologique qu'on a du mal à appréhender, mais pour eux, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Et c'est vrai d'ailleurs des populations arabo-musulmanes également, hein. Quand on parle des croisades aux musulmans, pour eux, ça s'est passé avant-hier. Donc l'occidental aujourd'hui va dire oh, « oui, par le passé, mais depuis on a évolué, etc. » Vous savez, le discours un peu... Et non, pour les arabo-musulmans, non, c'est hier. Les croisades, c'est actuel. Voilà. Et pour les juifs, c'est pareil. Donc... ces détails généalogiques sont très parlants. Donc, quand vous voyez qu'un juif est originaire de Biélorussie, est originaire de Russie, est originaire d'Ukraine, et qu'il a émigré en Amérique du Nord ou en Grande-Bretagne, et que vous les retrouvez dans des postes à responsabilité sur des questions comme ça de guerre, d'intervention dans les conflits, ça peut être dans les médias, ça peut être au plan ministériel, et vous les voyez très véhément, ce n'est jamais par hasard. C'est-à-dire que ce sont des vieilles rancunes ethniques qui s'expriment. Donc, c'est bien que tu le soulignes. Ça vaut toujours la peine, hein, parce que ce sont des acteurs importants. Je veux dire, un Blinken, c'est un acteur important quand même. Donc, on ne peut pas regarder ça comme un détail. Quelqu'un d'autre, Vincent, peut-être. Ton point. Alors, pas sur le. Enfin, oui. Enfin, c'est pas le conflit en Ukraine, pas de savoir qui a raison, qui attend dans le conflit en Ukraine. Mais pour toi, est-ce que il y a là les forces coalisées occidentales qui ont peut-être en leur temps déjà agi sur le continent européen contre le Troisième Reich, évidemment. Est-ce que pour toi, c'est les mêmes qui sont aujourd'hui en action contre la Russie et éventuellement contre la Chine? Est-ce que tu partages ce que dit notre auditeur, ou est-ce que tu as une vision un peu différente? Alors, en effet, il n'est pas question de savoir qui a tort et qui a raison dans ce conflit. Moi, d'ailleurs, je suis neutre parce que je ne connais pas suffisamment le dossier, donc je réserve mon jugement. Ce que je crois, c'est que il y a naturellement des forces qui sont là et qui agissent, parmi lesquelles on compte naturellement, je dirais, des forces juives, c'est évident. Mais encore une fois, où moi, j'apporte peut-être un autre, un plus que des gens vont être rejetés, c'est que, encore une fois, je dis toujours que ces forces ne font que s'appuyer, enfin, s'appuient, pas ne font que, mais s'appuient au départ sur des travers qu'il y a chez nous. Si on prend, par exemple, le mondialisme, on dit souvent, justement, qu'il y a un plan concerté pour arriver à un gouvernement mondial. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai et que dans ce plan, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent faire, il y a des idiots utiles, il y a des gens qui sont sincères, qui croient vraiment que ça va nous apporter le bonheur, le mondialisme, etc. Mais il faut savoir que, par exemple, le premier vraiment dans l'histoire moderne, je parle pas de l'Empire romain ou quoi que ce soit, le premier projet mondialiste, c'est un projet qui a été fait non pas par un juif, mais par un prêtre, par l'abbé de Saint-Pierre. C'est dans son livre « Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe ». À l'époque, l'Europe, c'était le monde. Bon, et ça a été publié en 1713. C'est-à-dire que dès le début du XVIIIe, il y avait au sein de cercles des aspirations à un espèce de gouvernement mondial. D'ailleurs, il est intéressant de voir que sur la couverture du livre, on voit l'Europe, c'est marqué Europa, et il n'y a aucune frontière. Donc déjà, il y avait des aspirations. Alors à l'époque, c'était seulement pour éviter les guerres, juste pour arriver à une paix perpétuelle. Donc, il y a eu, hélas, chez nous, déjà, des choses qui pouvaient donc qui pouvaient après donner prise à des forces plus sombres encore. C'est un peu le problème. Quant à l'histoire des USA et enfin donc de l'implication des USA dans la guerre ukrainienne, enfin dans la guerre russo-ukrainienne, pour moi elle est évidente. Vladimir Poutine a bien souligné des choses dans un discours sur lequel j'ai parlé il y a un peu de temps, d'ailleurs qui a suscité la colère de certains, mais il est évident que il a cité des faits, et notamment l'OTAN qui petit à petit s'approche de la Russie, qui a fait une entreprise depuis les années 90 pour se rapprocher de plus en plus de la Russie en faisant adhérer des pays à sa structure. Alors moi je ne sais pas si c'est vrai, parce que encore une fois je n'ai pas étudié, et tant que je n'ai pas étudié consciencieusement quelque chose, j'évite de prendre parti. Mais ce que je vois, c'est qu'en effet, on retrouve ici la tactique habituelle des USA et de leurs alliés. Et cette tactique, on l'a vu notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le Japon. C'est toujours la même tactique, c'est l'encerclement militaire et l'étranglement financier. Et on retrouve la même chose aujourd'hui, donc qui s'est passé notamment avec le Japon. Le Japon, l'origine de Pearl Harbor, c'est quoi? C'est que depuis des années, en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que le Japon voulait avoir sa sphère d'influence en Asie. Mais les États-Unis ne le voulaient absolument pas, parce que les États-Unis voulaient être aussi hégémoniques en Asie. Et donc, quand le Japon a commencé à attaquer la Chine, afin justement d'assurer un espace territorial pour lui, Qu'est-ce qu'ont fait les USA? Eh bien, ils ont commencé une guerre économique. C'est-à-dire qu'ils ont gelé les avoirs japonais, ils ont fait plein de choses pour étrangler le pays. Ensuite, il y a eu une manœuvre d'encerclement, et on peut dire que dans l'année 1941, au début de l'année 1941, le Japon était, pour ainsi dire, totalement étranglé par les États-Unis. Et c'est pour ça qu'à partir de l'automne, il y a eu des conversations entre le Japon et les États-Unis, le Japon espérant que les États-Unis desserreraient leur étreinte. Bon, les conversations, les Japonais ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faire des propositions, pour arriver à un consensus, l'Amérique a refusé, et c'est quand ils se sont aperçus qu'ils allaient être asphyxiés qu'ils ont attaqué Pearl Harbor. Mais pourquoi ont-ils attaqué Pearl Harbor? C'était pas une provocation, c'était pour essayer de desserrer l'étreinte, justement, en attaquant l'une des principales bases qui permettait aux navires américains de contrecarrer le commerce japonais, parce que les Japonais, sans leur flotte, ils pouvaient pas s'approvisionner. Et ce qui m'a frappé dans cette affaire avec l'Ukraine et la Russie, c'est que justement, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a des gens qui placent leurs pions autour de leur ennemi, qui placent leurs pions militaires, des pions aussi diplomatiques et des pions, pour faire une étreinte financière. Alors, pour moi, est-ce que ça fait partie d'un plan hégémonique? Je le pense, mais encore une fois, là, personnellement, j'y vois aussi une grande responsabilité du capitalisme. Parce que l'Amérique, c'est le représentant, c'est le symbole du capitalisme. Or, le capitalisme ne peut vivre et survivre que dans une croissance perpétuelle. Donc, la méthode du capitalisme pour survivre dans cette croissance perpétuelle, c'est d'étendre les marchés afin d'écouler les marchandises produites en plus grande quantité chaque fois, et donc de plus en plus standardisées. Or, pour pouvoir étendre les marchés de marchandises standardisées, il faut uniformiser le monde. Donc il faut être hégémonique sur le monde, et il faut surtout ne pas supporter qu'il y ait des pays qui puissent rester indépendants, qui puissent avoir leur propre tradition, leur propre vue du monde. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que l'American Way of Life s'impose partout. Et ça a été très très bien dénoncé par quelqu'un qui n'est pas notre ami politique du tout, puisqu'il est plutôt du côté communiste, mais par Jean-Claude Michéa, dans un livre qui s'appelle « L'enseignement de l'ignorance », justement. Et il a bien, je vais vous en faire une petite citation, juste une, il a dit « La mise en œuvre de l'économie libérale ne suppose pas seulement l'institution d'une autorité politique suffisamment puissante pour briser impitoyablement tous les obstacles que la religion, le droit et la coutume opposent au marché et à l'unification sans frontières. » Et elle demande, donc la mise en place de l'économie libérale n'implique pas que ça. Elle demande encore qu'on donne une existence pratique à la forme anthropologique correspondante à cette organisation du monde, celle de l'individu entièrement rationnel, c'est-à-dire égoïste et calculateur, et à ce titre, libéré des préjugés, entre guillemets, des superstitions ou archaïsmes qu'engendre nécessairement, selon l'hypothèse libérale, toutes les espèces empiriquement existantes de filiation, d'appartenance et d'enracinement. Voilà, c'est-à-dire que il analyse bien, bon, c'est pas le premier, mais il analyse très bien et très vite que le capitalisme, en fait, nécessite un homme uniformisé. Donc il refuse à ce moment-là tout ce qui est particularité nationale. Et donc, il va naturellement opter imposer de force un monde totalement uniformisé. Or, je pense que, à tort ou à raison, je ne sais pas, moi, encore une fois, là, les États-Unis considèrent que la Russie est un espèce de modèle encore indépendant. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que j'aperçois chez les Américains, c'est que pour eux, la Russie est encore le symbole d'une Europe un peu indépendante, avec toujours une église orthodoxe. C'est vrai qu'elle a été quand même préservée de l'American Way of Life par le communisme. Je ne dis pas que depuis, même en Russie, ça s'est bien rattrapé, mais n'empêche qu'il reste encore, à mon avis, aux yeux des Américains, trop d'éléments en Russie qui font que ce pays doit être subjugué à son tour et que le pouvoir de Vladimir Poutine doit être détruit. Alors en plus, c'est vrai, et j'en termine là, s'y ajoutent des considérations stratégiques d'encerclement après de la Chine, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des relations entre la Russie, la Chine et l'Inde, d'ailleurs, et donc ça va donner sûrement lieu après, enfin, tout dépend ce qui va se passer après pour la Russie, mais ça donnera lieu après à des confrontations avec la Chine, qui elle aussi, bien qu'elle soit le centre de l'économie du monde, reste un pays qui, à leurs yeux, a trop de particularités qu'il va falloir éradiquer. Voilà quelle est mon analyse. Donc, pour résumer, je dis que oui, il y a des forces obscures, mais hélas, elle s'appuie d'abord sur un mondialisme qui est né aussi chez nous et sur un capitalisme. Je vous rappelle que les Juifs ne sont pas inventeurs du capitalisme, ce sont les Phéniciens. Ensuite, ça a été les Lombards, les Italiens, etc. Et ces forces obscures s'appuient sur ces choses qui sont déjà là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de lutter contre ces forces obscures, il faut aussi lutter contre des forces qui sont chez nous, et qui permettent aux forces obscures d'arriver comme un parasite. Voilà ce que je voulais dire, merci. Oh, écoutez. Oui, je te rejoins sur ce que tu dis. Quand tu évoques la question du capitalisme, c'est intéressant puisque là on va avoir deux formes de capitalisme qui s'affrontent. Un capitalisme autoritaire, sino-centré, et un capitalisme, j'ai quand même tendance à le dire, sémitisé, centré sur les États-Unis, avec tout ce qu'on voit. Et le capitalisme chinois est assez particulier, on va pas en parler ici, mais il y a une compétition pour les marchés, c'est tout à fait évident. Alors il y a un problème, c'est-à-dire que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de la majorité de la planète et de très loin. Le Brésil, par exemple, l'Afrique, etc. etc. Et les États-Unis, comme puissance industrielle, productive, se sont complètement effondrés. Donc ils ont encore des avantages considérables, mais comme puissance de production, j'allais dire, donc le capital industriel, en quelque sorte, il est en Chine aujourd'hui. Et là, pour les États-Unis, il y a un vrai problème. Donc, ce que tu dis, c'est-à-dire que la lutte pour les marchés, c'est évident, et le modèle américain, qui est un modèle, à mon avis, dissolvant, est contesté radicalement par la Chine, qui, pour des raisons probablement anthropologiques, raciales, culturelles, refuse de suivre cette pente libérale. Alors, quand je dis libéral ici, je dis individualiste, c'est-à-dire de placer l'individu au centre du dispositif, les Chinois veulent un capitalisme qui soit un capitalisme plutôt communautaire et vertical. Hein. Donc c'est quelque chose de différent. Je ne dis pas que c'est le modèle par excellence, mais enfin en tout cas, c'est leur modèle, ils y tiennent, et c'est ce qui explique beaucoup les tensions. Et entre les deux se trouve donc la Russie, qui est, comme tu l'as très bien dit, moi je me retrouve dans ce que tu as dit, Vincent, est une espèce d'espace à occuper pour encercler la Chine, hein, et qui, par son jeu d'indépendance, déplaît beaucoup, en fait, et par ses ressources aussi, hein, déplaît beaucoup, oui. Aux puissances financières, la puissance financière américaine, quoi. Voilà. Donc, parce qu'ils comprennent bien ça aussi, c'est-à-dire qu'ils se disent... Ils se disent, attention, pour que le capitalisme se développe, hein, pour que une économie se développe vraiment pleinement, il faut des ressources. Et la Russie est une énorme réserve de ressources. Or, si la Russie continue d'alimenter la Chine en ressources, le développement économique de la Chine va continuer. Sachez, et ça, il faut le mesurer, que dans 30 ans, si ça continue au rythme actuel, la taille de l'économie chinoise fera trois fois celle des États-Unis d'Amérique. Donc c'est considérable comme bouleversement. C'est pas deux fois, c'est trois fois. Donc ça se traduira aussi en moyens militaires. Hein, c'est-à-dire que les Chinois pourront allouer à leur armée trois fois plus de moyens que les États-Unis. Donc ça veut dire que l'ordre mondial hérité de 1945 est en train de s'écrouler sous nos yeux. Hein, donc, et si vous regardez aussi dans un autre registre, et j'en termine là, hein, vous voyez que les puissances qui produisent du pétrole et du gaz, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, bien sûr la Russie, ne sont pas en bon terme avec l'administration Biden. Mais c'est pas par hasard. C'est-à-dire que les pressions s'intensifient sur eux pour qu'ils ne livrent pas d'énergie aux Chinois, et quand ils regardent le modèle occidental, qu'est-ce que propose le modèle occidental? C'est de se débarrasser des énergies fossiles. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer aujourd'hui, hein. La collectivisation verte, en gros. Hein, voilà. Oui, mais eux, leur problème, c'est que leur modèle social-économique repose sur l'exportation de pétrole et de gaz. Donc si vous leur dites, nous, notre économie demain, elle sera sans énergie fossile, ou en tout cas considérablement sans énergie fossile, vous devez nous suivre. Ils répondent, oui, mais on va faire comment, nous, pour assurer notre vie au quotidien? Qu'est-ce qu'on va faire? De l'autre côté, il y a les Chinois qui leur disent, nous, on vous achète votre pétrole. donc là, si vous voulez, vous voyez des États qui sont traditionnellement pro-américains qui commencent à s'écarter des États-Unis d'Amérique, qui s'écartent aussi de l'Europe. Et alors qu'ils ne peuvent pas le faire totalement, l'Arabie Saoudite est occupée militairement par les États-Unis d'Amérique, donc ils ont un peu le couteau sous la gorge. Mais enfin, on sent qu'il y a des tensions très très fortes. Donc vous voyez, tout est en train de s'ébranler sous nos yeux, et ce qui nous paraît être complètement gravé dans le marbre parce que la Deuxième Guerre mondiale, parce que la fin de la guerre froide contre l'Union soviétique et que cette mondialisation qui nous a été vendue par les médias devait durer toujours, eh bien pas du tout. Et donc on voit les confrontations géopolitiques se préciser, ça va s'intensifier considérablement durant cette décennie, considérablement. Et là on va voir des vrais conflits, contrairement à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, qui sont des petits conflits, j'allais dire, de règlement de compte périphériques, je veux dire... guerre du Vietnam, comment dire, guerre de Syrie, etc. Bon, ça a beaucoup attiré l'attention, mais ce sont des petits conflits comparativement à ceux qui nous attendent, parce que les enjeux changent complètement de nature et de dimension. Et ça va frapper très dur l'Europe. Hein. Ce qui se passe maintenant avec l'Europe, là, c'est que les États-Unis ont dit « maintenant, on arrête le gaz russe ». Et les Européens ont dit « oui ». C'est ça qui s'est passé. Je veux dire, les gens sont en train d'essayer de comprendre. Non, c'est les Américains ont dit maintenant vous arrêtez d'acheter du gaz russe. Et les Européens qui sont occupés par les États-Unis d'Amérique ont dit d'accord. Sauf que s'il n'y a pas de gaz russe en Europe, s'il n'y a pas de pétrole russe en Europe, eh ben vous rationnez. Et ça, les dirigeants européens n'osent pas le dire à leur opinion publique. Ils osent le dire en Pologne parce que l'opinion publique est chauffée à blanc contre la Russie, donc ils peuvent le dire. Mais en France, en Allemagne, en Italie, ils n'osent pas le dire en ces termes à leur opinion publique parce que les gens se diraient, mais attendez, qu'est-ce que c'est, vous êtes des représentants des intérêts américains ou bien des représentants des intérêts de nos pays? Parce que c'est vite vu, hein, si on doit défendre les intérêts objectifs de l'Europe, on prend le gaz russe. Enfin, il n'y a pas de discussion, ça ne dure pas 30 minutes. Quoi. Voilà. Ces gens-là font l'inverse parce que ce sont des pions des États-Unis, voilà la situation actuelle. Voilà. Et comme ils sont prêts à aller jusque-là pour cette histoire d'énergie, ils vont aller au-delà quand les États-Unis vont en demander davantage, c'est-à-dire quand ils vont demander d'entrer en guerre contre la Russie. Alors, sous quel format, on le verra, hein, mais bon, s'ils ont fait adhérer la Suède et la Finlande à l'OTAN, j'imagine que c'est pas pour enfiler des perles. Je pense que c'est parce qu'il y a quand même un calcul militaire derrière. Je veux dire, pourquoi faire entrer la Suède dans ce schéma de militarisation à outrance? Il y a des calculs. Donc voilà. Donc je pense qu'on a bien répondu à notre auditeur. Hein. On va pouvoir passer à la suite. Mais oui, c'est évident qu'il y a un plan concerté. Alors il y a un passif. Hein. Il y a bien sûr, comme l'a bien expliqué Vincent, il y a des racines très profondes à tout ça. Mais là, dans la phase chaude actuelle, c'est évident que les donneurs d'ordre sont assez clairement identifiés. Oh, messieurs, Gandalf, ouais. Si je peux me permettre, sur ces questions-là, j'aurais un film à conseiller à nos auditeurs. Un film de 2005 qui s'appelle Syriana et qui montre bien justement tout ce que tu as décrit, les enjeux entre États-Unis et Chine sur les questions énergétiques. Merci pour cette précision, j'ai vu ce film d'ailleurs. Don numéro 2, alors on était juste sur les dons là, donc n'ayez pas peur, hein. On enchaîne. Bonjour chers démocrates, j'envoie ce mail pour confirmer mon don de 0,59 monero. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter au passage la suite invraisemblable de nègreries auxquelles j'ai eu le droit lors d'un récent week-end à Paris, ville où je ne mets presque jamais les pieds, Dieu merci. En sortant de la gare du Nord, le premier pélo que je croise marmonne en me croisant, il a une tête de nazi lui, d'accord, mais il avait visé juste, hein. Cher auditeur, j'imagine que le simple fait d'être blanc et bien habillé suffit désormais à être fiché comme tel. Passablement fatigué, je demande mon chemin au Gugus suivant, un arabe qui m'indique les taxis, mais me demande en échange, après m'avoir accompagné, une pièce. Je m'en sors en prétextant ne pas avoir de liquide sur moi. À la station de taxi, un nègre hirsute dans un vieil imperméable, alors qu'il fait presque 30 degrés, organise la file des clients avec une rigueur tout africaine. C'est donc en toute logique qu'il désigne un mec arrivé 5 minutes après moi comme le prochain client à pouvoir prendre la voiture qui vient d'arriver. Comme le type était honnête et protestait, le nègre revient sur son erreur. Alors que j'entre dans le taxi, il me réclame à son tour une pièce pour prix de ses bons services. Je m'en sors de la même manière qu'auparavant. Après une plaisante journée passée à zigzaguer entre les désormais fameux nègres à Tour Eiffel, en compagnie d'une charmante blonde aux yeux bleus, nous revenons à l'hôtel assez tard, le réceptionniste de nuit en étant aussi, hagard, tenant à peine debout, probablement camé, il m'interpelle étrangement. J'arrive à lui faire comprendre que je souhaite nous inscrire tous deux au petit déjeuner du lendemain. Et là, c'est le drame, il lui faut facilement 5 minutes, peut-être 10, pour y arriver. Étant donné que nous sommes tous deux ivres et un peu trop bien élevés, nous laissons passer le temps sans faire de remarques. Le réceptionniste appuie sur son écran tactile une fois toutes les 10-20 secondes, hébété. Trop con pour noter le numéro de notre chambre sur un papier et nous souhaiter une bonne nuit. Je finis par m'impatienter et le planter là en lui demandant si ça ira et en répétant le numéro de notre chambre. Le lendemain matin, c'est au tour d'une négresse du personnel d'ajouter la cerise sur le gâteau en renversant l'un de nos bagages pendant que nous prenons le petit déjeuner, évidemment le sac dans lequel mademoiselle a mis son PC. Enfin, de retour à la gare, j'ai le droit à une dernière négrerie avec une antillaise de la SNCF qui me répond un « bonjour » ostentatoire sous prétexte qu'elle pensait que je ne lui avais pas dit « bonjour ». Pour finir, elle ne sait pas me renseigner et demande au conducteur de train le renseignement que je demande, un comble alors qu'elle est aux relations clients, donc normalement la mieux renseignée sur la gare elle-même. Bref, vous trouverez peut-être tout cela banal, mais en tant que nordiste et quoique démocrate participatif assidu, j'ai été frappé par cette suite de gaffes et de crétineries en tout genre, dont même la population si enrichie de Roubaix n'est pas capable tous les jours. Bref. Bonne continuation à toute l'équipe et merci pour le travail colossal que vous faites pour l'éveil collectif. Et c'est signé Ulfric. Alors merci Ulfric pour ce témoignage très enrichissant de vacances parisiennes qui, j'en suis sûr, aura convaincu nos auditeurs de se rendre très prochainement à Paris pour profiter aussi de l'accueil chaleureux des Parisiens. Don numéro 3, salut l'équipe, voici avec retard mon don mensuel, je crois que c'est 0,2 Monero. Merci à Mélas Autocrator, hein, mécène traditionnel de l'émission. Merci Mélas, salut à toi. Alors maintenant on entame l'émission, à proprement parler, bon on l'a entamé hein, bien sûr, mais je veux dire pour ce qu'il en est des rubriques. Alors rubrique numéro 1, bonjour, je suis un jeune blanc qui vit dans le Grand Ouest. Autour de ma croissance. Je suis devenu désillusionné sur la situation dans laquelle se trouve le peuple français, et les Blancs en général. Je refuse de travailler pour un tel système, et j'espère pouvoir me contenter d'un RSA bien mérité. Pensez-vous qu'il existe encore des femmes françaises d'extrême droite, ou l'avenir est-il perdu avec ce type de femmes. Donc ça pose la question des idées des femmes, voilà, bon bref. Je doute cependant que la situation dégénère en guerre civile, puisque la démographie de l'ennemi est supérieure à celle des natifs. J'en arrive à la question suivante. Pensez-vous qu'il existe un avenir blanc en France, et que deviendront nos vieux malgré tout, ou sinon que faudrait-il faire en cas de guerre civile? J'ai bien peur qu'on puisse perdre cette même guerre. Merci pour votre aide et bonne continuation. Alors, il y a plusieurs questions en une, hein, vous avez compris. Donc, il y a la question, y a-t-il un avenir blanc en France? Voilà. Est-ce que je peux trouver une compagne qui ait à peu près les mêmes conceptions que les miennes, c'est-à-dire qui analyse la réalité qui est la nôtre dans les mêmes termes? Première question, évidemment avec pour objectif de fonder une famille, hein, voilà, donc la viabilité de cette option. Alors Jean Bureau en avait parlé dans une émission précédente, hein, je vais y revenir. Et deuxièmement, comment dirais-je, plutôt la question de la guerre civile, est-ce que lui pense que c'est pas probable, mais bon, si ça se produisait, comment vous verriez la situation? C'est une thématique qui revient quand même assez souvent, cette histoire de guerre civile. Alors je vais vous donner la parole tout de suite, hein, voilà, pour répondre à notre auditeur, pour la rubrique donc des gens qui veulent nous adresser un courrier. Qu'est-ce que vous diriez d'abord sur l'opinion politique de sa compagne en général? Est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a, et ensuite fonder un foyer? Est-ce que c'est possible encore en France aujourd'hui? Et deuxièmement, la thèse de la guerre civile, probable, improbable, qu'en pensez-vous? Moi, j'aimerais me lancer concernant les femmes. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes de droite qu'on peut trouver. Alors, ça dépend des milieux, évidemment. Si, par exemple, vous êtes dans des milieux plus ou moins nationaux ou même métal, par exemple, où vous pouvez trouver des femmes de droite qui vous diront facilement en avoir marre des bougnoules ou marre au moins de l'islam. Il faudrait que ça cesse, être critique de l'immigration sur ces sujets-là. Mais par contre, faut se méfier parce que c'est toujours sous couvert de liberté des femmes, plus de liberté. Donc vous aurez une femme qui s'habillera peut-être léger, qui continuera d'avoir des comportements de rombière, de française de base, gauchiste en fait. Donc ça j'en ai vu beaucoup. Donc ça se présentait bien au départ, puis en fin de compte je me suis dit ouais, c'est la française de base, c'est le féminisme latent. Alors pas des militantes évidemment, mais faut savoir que la française de base qui n'est même pas politisée est déjà féminisée au moins au minimum. Tu veux dire les féministes par défaut quoi, c'est ce que tu veux dire. Voilà, il y a un féminisme de base par défaut, sans être dans le militantisme évidemment. Mais sinon, pour trouver des femmes qui sont vraiment attachées à des vraies valeurs, on va dire, pour dire marre des nègres, parce qu'en général, le français en a marre des bougnoules, mais les nègres, ça passe toujours, en fait, c'est sympa. Parce que les Français aujourd'hui sont... Aujourd'hui, c'est, la parole est libérée sur l'islam, vous voyez. Les arabes agressifs, tout ça, on peut plus taire ce sujet. Donc je pense que l'opinion publique... Enfin, on laisse... même dans les débats, parler de ça. Mais par contre, la question raciale est d'autant plus étouffée. Donc les nègres, ça passe. Parce que les nègres sont nègres, et ils sont juste nègres. Ils sont pas forcément musulmans ou autres. Donc les nègres, ça passe très bien. T'as toujours un droit tard avec ses amis nègres, par exemple. Donc toi, une femme qui remet en question, enfin qui est sensible à la question raciale, à la disparition de son peuple, de son pays, par extension, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Puis qui ont aussi la pudeur féminine, vous voyez, qui sont critiques des autres femmes en général, comme quoi il n'y a pas une seule femme qui n'est pas tatouée, par exemple, parce que ça c'est un fléau également. Il n'y a pas une seule gonzesse qui va faire attention à pas mettre afficher son décolleté ou la liberté de s'habiller, de se maquiller, etc. Alors, bon, je veux pas être mon salafiste, mais c'est vrai que bon, moi les femmes c'est une question qui me répugne de toute façon, j'en ai plein le cul, donc je suis très critique de tout ça, mais moi j'ai réussi à en trouver une qui quand même était extrêmement nazie, donc je généralise pas son cas, je sais que c'est très rare. Oui, tu as tout à fait raison, il y a le féminisme passif et le féminisme actif, donc le féminisme revendicatif, et il y a un bain culturel ambiant, un conditionnement, mais qui n'est pas du tout récent, je veux dire, on est probablement à la quatrième génération de femmes conditionnées par le féminisme. Donc faut qu'on, les suffragettes, ça a 100 ans, quoi. Donc le féminisme a progressivement refaçonné complètement les rapports entre les hommes et les femmes, ce qui s'est traduit par la législation, par l'éducation, par les représentations collectives, par le cinéma, par la culture. Et donc, vous récoltez le produit fini, hein, c'est-à-dire des femmes dont on en a souvent parlé, l'hypergamie est libérée. Alors, on l'a dit aussi, c'est aussi avec l'accord des hommes. Il y a un double mouvement ici, mais enfin, l'hypergamie des femmes est complètement libérée. Donc, les femmes veulent constamment pouvoir changer en gros de partenaire si... il leur paraît qu'il y a un meilleur parti qui peut leur permettre de réussir socialement, quoi. Alors c'est pas une science exacte au sens où elles commettent des erreurs de jugement. C'est pour ça que l'avortement est très important maintenant dans les sociétés occidentales, et pas que. C'est parce qu'une femme revendique le droit de se tromper dans ses choix reproductifs. Donc elle veut pouvoir coucher facilement pour réussir socialement, c'est-à-dire que la femme considère que la valeur d'un homme, en fait, c'est sa valeur sociale, c'est ses contacts sociaux, son éminence sociale, en quelque sorte. S'il y a un meilleur parti qui arrive, elle veut pouvoir changer de trajectoire. Ou au contraire, si elle a commis un mauvais choix reproductif, elle a un peu de recul, elle dit « Ah, j'ai envie de changer de... » Voilà, et je veux avoir ce filet de sécurité-là. Donc, les femmes cherchent constamment à maximaliser leur hypergamie et les retombées de l'hypergamie. En fait, tomber enceinte. Hein. Donc, il faut l'accès facile à la contraception, évidemment. Il faut avoir l'accès le plus tard possible à l'avortement, et avec un encouragement en fait au divorce, puisque quand on regarde les décisions de justice pour les divorces, les femmes récupèrent les enfants et l'homme doit payer la pension, en fait. Donc si tu me permets, Gandalf, d'ailleurs là-dessus, moi je recommande de regarder le film Red Pill, qui a été fait par une américaine et qui était très juste et qui montrait à quel point être un homme dans la société occidentale, et encore pire aux États-Unis, parce que là vraiment aux États-Unis c'est la totale, vous pouvez vraiment perdre votre maison, votre entreprise, tout, et vos enfants ne jamais les revoir. Alors qu'en France, c'est un peu plus moitié-moitié. On est communiste, après tout. Et donc, ce film est vraiment... il montre tout, quoi. Les dés sont pipés. Hein. Par contre, ça me rappelle un bouquin qui s'appelle « Men on Strike », écrit par une Américaine, il me semble, qui parle de la situation des hommes aux États-Unis par rapport aux femmes, les hommes qui n'osent plus se marier parce que c'est beaucoup trop risqué. Comme par exemple, si ta femme se fait engrosser par un gros nègre, le mec, même s'il ne reconnaît pas le gamin, on sait que c'est pas le sien, de toute façon, même après test, le mec est condamné à payer la pension pour le gosse jusqu'au bout, en fait. C'est que des trucs comme ça, en fait. Exactement. D'ailleurs, à la base, enfin, je termine la parenthèse en disant juste que, à la base, c'était ça, le mouvement MGTOW. C'était des hommes, de bonne stature, voilà, des hommes viables, qui ont subi un coup dur de ce style, un enfant qui n'est pas leur, ils doivent verser la pension, la femme qui part avec les enfants, l'argent de l'entreprise, enfin tout, et c'est des gens qui se sont dit, qui en ont eu marre en fait des femmes, tout simplement, qui se sont dit, on peut pas jouer là-dedans, donc moi je choisis soit de ne voir plus de femmes, ça c'est la version extrême, et soit de ne prendre que des partenaires d'un soir, quoi. Ouais, c'est moi, MGTOW, quoi. Mais comment dire, la question de notre auditeur disait je cherche une femme qui ait les mêmes idées que moi. Je pense que c'est pas la bonne approche en réalité. Alors évidemment, si vous prenez une femme qui est complètement acquise aux théories dominantes, le problème que c'est ce que dit Merlin, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes aborder une femme en termes politiques, c'est une mauvaise approche. Mais il est évident que avec des idées revendiquées, viennent aussi des comportements. C'est-à-dire qu'il y a une anthropologie associée à l'idéologie aujourd'hui. Donc finalement, les femmes de gauche, en quelque sorte, sont les plus destroy. Ça ne veut pas dire que les femmes de droite ne sont pas destroy, mais ça veut dire que c'est le caractère destroy est beaucoup plus assumé à gauche qu'à droite. Et d'une manière générale, le malaise social et revendiquer, c'est bizarre, mais en fait, les gens de gauche sont des gens qui sont mal dans leur peau et qui essayent de revendiquer leur malaise comme étant une norme, alors que non. Il y a un vrai problème. Alors, on pourrait discuter de ça, c'est pas l'objet. Donc, la question, c'est pas de dire, t'as quelle idée politique, est-ce qu'on peut sortir ensemble? C'est pas la bonne approche, mais évidemment, une nana qui vient d'un certain milieu... chariera forcément avec elle des scories de ce milieu, de cette influence culturelle. Mais c'est ce qu'a dit Merlin, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les femmes passant par le moule féministe dès l'école, sans parler des relations, des médias et tout, de toute façon, c'est répandu dans la société. Après, les femmes adhèrent à l'univers de l'homme avec lequel elles veulent être. Ça, c'est une règle, quoi. C'est-à-dire que, en fait, dans une relation... soit l'homme crée l'univers dans lequel la femme va rentrer, soit c'est l'homme qui va rentrer dans l'univers de la femme que la femme crée. C'est-à-dire que c'est lui qui sera la remorque de la femme et pas l'inverse. Et si la relation commence comme ça, c'est-à-dire que si c'est la femme qui met les bornes, qui fixe les règles, etc., vous êtes dans l'univers de la femme et pas l'inverse. Donc déjà, la relation... c'est qu'en fait elle n'a pas lieu, il y aura une coexistence, mais il n'y aura pas de relation pour en parler, parce que normalement c'est la femme qui rentre dans l'univers de l'homme. Donc si l'homme a des valeurs, on va dire, l'homme est solide sur ses bases, et encore c'est pas suffisant, parce qu'il y a tout l'appareil légal derrière, hein. il y a tout l'encouragement, le conditionnement qui permettent aux femmes de faire n'importe quoi, donc c'est très difficile pour les hommes. Mais disons que normalement, c'est quand même le mec qui crée l'univers pour les femmes et pas l'inverse. Donc, vous pouvez avoir des femmes qui ont même des idées totalement banales, je veux dire, des idées convenues sur ces sujets-là, mais qui va assez vite changer d'avis parce que, en fait, c'est parce qu'elles veulent pas épouser un prêtre. Elles veulent trouver un vrai mec qui leur correspond. Donc, si c'est ce mec-là, elles feront complètement... elles feront fi de, de ces idées revendiquées au début, et ensuite elles finiront par le rejoindre, voyez, parce que en fait ce qu'elle voit dans cet homme là c'est autre chose, voyez, c'est que ces idées plus ou moins revendiquées ou pas. Et du meilleur général, je dirais que c'est une très mauvaise idée de parler de politique avec une femme. Faut jamais faire ça, quoi. Je veux dire, faut pas parler de politique avec une femme, c'est une perte de temps intégrale. Voilà, alors après il y a des questions de société qui peuvent se poser, je veux dire, au quotidien, hein, bon. Mais bon, somme toute, ça reste difficile. Alors maintenant, la question, c'est, d'après vous, est-ce que c'est viable? Bon, je reprends un peu les mots de Jean Bureau. Il a dit, il disait bien, comme chez les écologistes, il y a une espèce de millénarisme apocalyptique qui consiste à dire, bon, il va faire 80 degrés dans 50 ans, faisons plus de gosses. Il existe dans certains mouvements d'extrême droite ou milieu d'extrême droite ou qualifié de tel ou identitaire ou de genre réaliste, lucide, racialement, c'est une tendance aussi au pessimisme total, de dire bon, ça sert à rien de faire des gosses, etc. Bon, Jean a bien expliqué que bon, en dernière analyse, c'est juste l'instinct de survie qui doit primer, et vous devez perpétuer l'espèce en substance, quoi. Voilà, ni plus ni moins, pas besoin de faire de grands discours là-dessus. C'est l'instinct profond qui existe chez les êtres humains. Alors évidemment, comme chez les Blancs, c'est des décisions qui impliquent beaucoup, parce que les Blancs, contrairement aux Nègres, veulent un futur pour leur descendance. Donc il y a une implication, il y a des calculs. On se dit, ah ouais, mais il ne faut pas que je fasse tout n'importe comment, il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça. Mais au bout d'un moment, il faut quand même bien se lancer, je pense. Voilà, je pense qu'il faut... C'est bien d'y réfléchir, c'est bien de se poser des questions, c'est bien de vouloir bien faire les choses, de se dire, voilà, c'est peut-être pas... Mais au bout d'un moment, il faut quand même y aller, je veux dire, il faut quand même se lancer, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je veux dire, voilà, c'est pas des choses qui s'apprennent dans les livres, c'est pas des choses théoriques, quoi, ça se fait en pratique, voilà. Donc voilà, maintenant, c'est très difficile, quand même, parce que les femmes sont pas du tout conditionnées à être des mères aujourd'hui, donc l'instinct biologique demeure, mais elles ne sont pas éduquées à devenir des mères. En fait, elles sont éduquées à devenir tout sauf des mères aujourd'hui. Hein, c'est tout ce que la société leur apprend. Des putes Instagram. Oui, c'est ça. Hein, c'est à la fois par l'éducation, à l'école. On leur apprend à avoir une sexualité qui n'est pas reproductive, mais récréative. Donc, c'est ce qu'on leur apprend premièrement. Deuxièmement, on leur dit que tout homme qui voudrait avoir une conception reproductive, donc une conception de longue durée du couple, est un... donc, et du coup, bon, enfin, c'est l'horreur absolue, c'est-à-dire c'est le machiste, le stigmate du patriarcat, etc. Donc c'est inacceptable, c'est la femme qui doit se déterminer, blabla, truc, elle doit se réaliser dans la vie, elle doit avoir une carrière professionnelle, etc. Donc comme elle baigne là-dedans en permanence, c'est extrêmement difficile. Et puis en plus, quand on est entre 20 et 30 ans, elles sont sur les réseaux sociaux, donc elles sont complètement omnubilées par leur... Bon, les femmes sont narcissiques, hein, voilà, donc elles sont omnubilées par leur apparence, elles essayent d'attirer l'attention, voilà, et parce qu'elles elles essayent de capter le public, mais sans finalité, enfin, compte tenu du conditionnement, en n'ayant plus à l'esprit l'idée de fonder quelque chose sur la longue durée. Donc, c'est qu'elles utilisent leur physique et les réseaux sociaux pour attirer l'attention. Donc, en ça, c'est pas nouveau, hein, que les femmes cherchent à attirer l'attention des hommes, mais pour butiner. Ça, par contre, c'est quand même assez nouveau. Il n'y a plus de finalité aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'enjeu. Ça, c'est l'enjeu. C'est très difficile. Et là, il n'y a pas de solution miracle. Si j'avais la solution miracle, croyez-moi bien que je serais devenu largement, largement millionnaire pour aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Maintenant, je veux dire, il ne faut pas non plus être dans le... faut pas être dans le pessimisme absolu. Et comme on peut le voir, effectivement, et c'était cité à raison par Jean Bureau, comme on le voit dans les milieux écologistes, où ils disent, voilà, faut pas faire de... parce que vous comprenez guerre raciale, parce que vous comprenez ceci, parce que vous comprenez cela, et puis de toute façon... C'est un pari, c'est difficile, mais c'est... Si tu veux, moi, je dirais un truc, c'est que c'est bien d'avoir un constat froid, mais il faut aussi... Il faut pas... en rester là, c'est-à-dire que tu peux avoir ton constat froid de la réalité, c'est-à-dire que les Françaises sont des putes ou des espèces de féministes tarées, Sauf que le problème, c'est que si tu passes trop ton temps, en fait, à ruminer cette information, tu ne vas rien faire. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir, par moment, se détacher de ça et se dire que, justement, tu peux trouver l'aiguille dans la botte de foin, que tu peux tomber sur une femme correcte. Et, justement, là-dessus, je dirais, il faudrait que vous essayiez de reconnaître les signes. Et moi, je dirais qu'il y a des signes. C'est-à-dire que quand vous voyez, moi, je vais vous prendre l'exemple, justement, parce qu'on va faire simple, il y a beaucoup de jeunes qui doivent nous écouter, je pense. Donc, par exemple, vous allez sur Instagram, vous voyez, les femmes qu'il faut pas, vers lesquelles il faut pas aller, c'est les femmes qui se dénudent, qui montent leur sein, enfin, en tout cas, une bonne partie, qui ont un OnlyFans, etc. Fuyez, laissez tomber. Par contre, si vous voyez que la femme a une sorte de beauté simple, que c'est pas sur de personnes qui accumulent les fringues pour rien. Ça existe. Il y a des femmes qui ne cherchent pas à grandir leur garde-robe comme. Vous avez ça, vous avez. Si elle a des centres d'intérêt, mais je dis pas politique, mais plutôt culturel. Voilà, la personne, elle aime bien visiter des régions, elle aime bien. Elle trouve que c'est beau de voir un vitrail gothique. Vous avez des petits signes et je pense qu'il faut aussi que vous cultiviez ça pour vous donner envie d'agir et de pas seulement vous renfermer, parce que si vous vous renfermez, en fait, vous ne ferez rien, parce qu'en fait, quand vous verrez une femme qui est correcte, vous vous direz juste « Ah ouais, mais ça se trouve, en fait, vous allez trop ruminer et en fait, vous ne ferez rien ». Donc, faut aussi comprendre que des fois, il faut échouer, il faut que ça fasse mal, c'est comme ça, c'est la vie, on n'est pas des machines, forcément, des fois ça fait mal, des fois on se trompe, mais c'est la vie. Si vous ne faites rien, là c'est sûr que vos résultats, ils resteront les mêmes. Donc je pense qu'il faut aussi cultiver ça, il faut avoir une part d'optimisme malgré tout, il faut vraiment pas rester que sur le constat, sinon vous ne ferez rien. Et c'est les gens qui agissent qui arriveront à perpétuer la race. C'est pas les gens qui vont se morfondre dans un PMU, voilà. Pour la guerre civile, bon, c'est une. Je vais pas m'attarder là-dessus. Peut-être qu'on aura l'occasion dans une autre émission d'en parler. Bon, guerre civile, on a tendance à imaginer tout de suite les confrontations armées, etc. Notre auditeur nous dit d'ailleurs qu'il n'y croit pas personnellement. C'est difficile de faire des plans sur la comète. Ce qui est très certain, c'est que il y aura beaucoup, j'allais dire, d'instabilité dans le système, de volatilité dans le système. C'est-à-dire que on sort de 80 ans de paix entre guillemets après 1945. Donc c'est un modèle qui a été créé à ce moment-là. Il est en train d'imploser sous nos yeux au niveau international et aussi par voie de conséquence dans les frontières même de la France. On voit que l'anthropologie française est en train d'être bouleversée. J'en ai parlé très très souvent dans l'émission. J'ai cité des gens qui en ont souvent parlé eux-mêmes, Fourquet, etc. Donc c'est des gens de gauche en plus, hein, je veux dire. Et il dit ceci, voilà, donc on va vers un éclatement territorial, ethnique, social, générationnel. Donc vraiment un éclatement intégral, hein, donc une espèce d'atomisation de la société française qui a été extraordinairement sédimentée pendant des siècles et qui aujourd'hui va être de plus en plus fragmentée. Donc ça, il faut en avoir conscience. Nos auditeurs, je sais, ils le savent, mais il faut bien le saisir. Donc la guerre civile, quand on se dit, voilà, type Liban, en fait, bon, on ne peut jamais vraiment rien écarter en termes de troubles, mais une guerre civile, en quelque sorte, ne résoudrait pas grand-chose à ce stade, puisque une guerre civile est toujours une confrontation, non pas de la base contre le sommet, mais une confrontation entre une partie du sommet contre une autre partie du sommet, qui entraîne à sa suite une partie de la base contre une autre partie de la base. C'est ça, les guerres civiles, hein. Prenez les guerres civiles à Rome, c'est pas les plébéiens qui s'affrontent. C'est les grandes familles romaines qui s'affrontent pour le pouvoir et qui ont leurs partisans. C'est comme ça que ça marche à Rome. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, les guerres civiles. C'est jamais le peuple qui se révolte contre ses élites. Même la Révolution française, je sais qu'il y a la mystique démocratique qui essaie de présenter ça comme un soulèvement populaire. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est pas du tout ça. C'est une partie des élites, y compris de la haute aristocratie, qui a fait rupture avec la monarchie. Donc, on risque de voir des choses, d'ailleurs, peut-être de cet ordre, qui se manifesteront. Hein, je veux dire, c'est pas du tout impensable. Mais ça ne répondra pas à la question de notre auditeur qui se dit, voilà, est-ce que ça vaut le coup ? Bah, de toute façon, l'instinct de survie doit primer. Donc oui, au niveau de notre auditeur, trouver une compagne, ça vaut le coup. C'est un challenge, c'est un défi, mais ça vaut le coup. C'est sûr, hein, c'est sûr. Et après, n'oubliez pas aussi une chose. C'est que le comportement des femmes actuelles, très superficielles, très détachées de ces impératifs biologiques, n'est possible que dans une ère de paix où tout est acquis. C'est-à-dire où les supermarchés sont pleins, où tout le monde a un toit sur la tête, où tout le monde est pris en charge par les hôpitaux, où on peut se balader dans les rues sans trop craindre pour sa vie, etc. Remarquez que c'est en train de changer. Et ça risque, ce sentiment de sécurité qui permet ces comportements très superficiels risque de changer. Et là, les femmes risquent de redécouvrir la nécessité de la maternité, j'allais dire, par ce qui a été par la vérité éternelle de la nécessité pour la survie. C'est-à-dire que elles vont devoir trouver un partenaire pour les protéger, voyez, physiquement, c'est-à-dire pour sortir dans la rue. Il va falloir avoir quelqu'un pour les protéger. Je crois qu'on va vers ça. Elles risquent de devoir, en quelque sorte, mettre davantage de choses sur la table dans les rapports avec les hommes, pour obtenir quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, elles ont la partie facile. Pour des raisons évidentes qui sont liées à l'organisation de la société telle qu'elle est aujourd'hui, je veux dire, voilà, le salariat, tout ce qu'on a dit. Ça risque d'être beaucoup plus difficile. Donc, si elles veulent avoir la sécurité physique, la sécurité aussi des revenus dans le futur, compte tenu de ce qui s'annonce, à mon sens, elles vont devoir, je pense, réviser leur ambition à la baisse dans leur rapport aux hommes, donc, accepter que les hommes aient des demandes. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est pas ce qu'on leur dit. On ne leur dit pas ça. On leur dit au contraire que toutes les demandes des hommes, grosso modo, sont illégitimes. Hein. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à une femme de faire la vaisselle, par exemple. C'est considéré comme blasphématoire. Eh bien, demain, ça fera partie du contrat. Voilà. Ça fera partie du contrat, comme ça a fait partie du contrat par le passé. Elles vont devoir passer au pieu et arrêter de téter du chibre de nègre, je pense. Le grimoire de Merlin. Le grimoire de Merlin. Ça juif. Et bienvenue au Grimoire de Merlin, le rendez-vous des mécanos armés et parés pour procéder à la vidange d'huile de la France. Alors là, on parle d'huile d'olive, hein, d'huile séfarade, hein, du jus de juif. Je voulais commencer ce numéro avec un petit coup de pub. Pour ceux qui aiment bien l'humour, la BD, il y a une bande dessinée qui s'appelle Anecdote social-démocrate. Alors il s'agit en réalité de toutes petites planches, de 6 cases, donc des petites histoires. Donc c'est assez raciste, hein, je préviens quand même pour les âmes sensibles, mais très rentre-dedans. C'est assez défoulant, c'est assez drôle, c'est percutant, vous voyez. Et donc c'est publié sur Gab, donc c'est l'occasion de vous créer un compte Gab, hein, comme ça vous pouvez suivre éventuellement cette page, ainsi que d'autres. L'artiste s'appelle Rodolphe Ziegler. Donc vous pourrez facilement trouver sa page en tapant @Rodolphe dans la barre de recherche de Gab. Donc @ suivi de Rodolphe, R-O-D-O-L-F, tout simplement. La pub est faite. Bien, à présent je pense qu'il est l'heure de parler de juifs. Alors aujourd'hui, voyons voir ce que j'ai au fond de mes grimoires. Ah, Axel Kahn, ça m'a l'air intéressant ça. Axel Kahn, scientifique, médecin, généticien et essayiste français. Ouf, ça sent le gros juif là quand même, ça sent le démon. Oui tout à fait, oui le démon. Car dans l'émission Ce soir ou jamais, sur France 2, le 6 janvier 2009, notre bon gros Axel Kahn. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Axel Kahn? Alors... L'humanité s'est toujours métissée. Elle n'a pu évoluer qu'en se métissant biologiquement et culturellement. On parle des civilisations lointaines, mais qu'est-ce que c'est que la civilisation étrusque qui n'aurait pas eu de contact important avec la civilisation grecque? Qu'est-ce que c'est que la civilisation du bassin méditerranéen qui n'aurait pas bénéficié des Phéniciens, des Carthaginois? Ou encore, plus proche de nous, l'art moderne qui n'aurait pas été totalement irrigué par l'art nègre au 9e siècle? Il n'y a pas de processus de civilisation sans rencontre, contact et métissage culturel. Et pour un biologiste par ailleurs, le métissage, qu'il soit culturel ou bien qu'il soit biologique, est un extraordinaire facteur de vigueur. Rien n'est autant revigorant que le métissage. Vous savez, l'absence de métissage et l'absence de rencontre, c'est le clonage des esprits, le clonage des corps, c'est-à-dire un dialogue avec soi-même. Mais un dialogue avec soi-même n'enrichit pas soi-même. Seul le dialogue avec l'autre enrichit chacun. Fin de citation. Et donc voilà, Goy, ton destin est tout tracé. Chacun doit trouver sa grosse négresse pour bien la bourriquer et faire fleurir le métissage pour un grand avenir qui nous est promis, etc., etc. Moi-même, Merlin, en tant qu'enchanteur, passionné d'alchimie, est-ce que le métissage est un bon mélange? Devons-nous baiser avec des singes? Voici la problématique telle qu'elle est posée par le juif. Je suis métis, un mélange de couleurs. Et j'aurais voulu également partager avec vous les propos d'un autre démon juifu. Il s'agit d'une juive nommée Barbara Lehner Spectre, juive femme de rabbin de la grande synagogue de Stockholm, professeure universitaire et de philosophie, directrice de l'Institut européen d'études juives en Suède. Alors c'est une sale juive qui s'est particulièrement fait remarquer, surtout via des tweets, car c'est une pute qui tweete. Qui tweete entre autres « Être juif est une forme tangible ininterrompue d'identité remontant à 3000 ans. La blancheur est une construction de 200 ans. » Qui tweete également « Les racistes xénophobes ont peur de rivaliser dans une société multiculturelle. Quand ils deviendront la minorité, le monde sera libre. » Donc là on est sur de la juive buveuse de sang. Elle boit du sang, hein, beaucoup de sang. Donc elle s'est prononcée également dans un reportage diffusé sur une chaîne israélienne, donc IBA News, diffusé en 2010. Le reportage s'appelle « The Jewish Community of Sweden », la communauté juive de Suède. Donc elle dit « Je crois qu'il y a une résurgence d'antisémitisme, parce qu'à ce stade, l'Europe n'a pas appris encore à être multiculturelle. Et je crois que nous allons participer à ce mouvement de transformation qui doit avoir lieu. L'Europe ne va pas être la société monolithique qu'elle était au siècle dernier. Les juifs seront au cœur de tout ça. » Il y a une énorme transformation à faire pour l'Europe. Elle va maintenant vers un mode multiculturel et les juifs seront détestés à cause de notre rôle majeur. Mais en ce rôle majeur et sans cette transformation, l'Europe ne survivra pas. Et voilà, alors que demande le peuple? Voici le projet juif en phase terminale présenté clairement. Bon, voilà. Donc si vous êtes trop antisémite, bande de sale goy, c'est que vous n'avez pas encore suffisamment appris à apprécier le nègre sous tous les angles. Voilà. Et croyez-moi, c'est que le début. Hein. C'est le début de cette espèce de coulée marron, comme on peut la voir au fond de son froc. Mais sauf que là, le canal, si vous voulez, est redirigé par le juif pour se déverser sur tout le pays. Et toute l'Europe, si possible. Donc, faites un effort, métissez-vous, hein, pour que ça aille tout seul, pour faire plaisir aux juifs. Et essayez simplement de ménager la chèvre et le chou entre vos enfants qui parleront comme négro-nègre et les égorgements ça et là dans vos quartiers. Voilà. Sur ce, je vous laisse, sur ces bonnes paroles. Et prenez soin de vous. C'était Merlin, et d'ici là, gardez la banane. Ha! Alors, messieurs, passons au sujet suivant. Sujet différent, hein. On va parler du sale juif de la semaine, et c'est Cyril Hanouna, puisque c'est lui qui apparemment pourfend de ses foudres hébraïques, hein, Dieudonné et Bigard. Alors, sujet un petit peu inhabituel dans l'émission, c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas trop au monde du showbiz en général, mais c'est bien aussi, c'est plus léger. Donc il y avait un... C'est l'occasion quand même de dire un peu qui fait la police en France. Donc il y avait Bigard et Dieudonné qui voulaient faire un spectacle ensemble qui s'intitulait « Foutu pour foutu ». Ce qui était assez révélateur puisque, en gros, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends le titre du spectacle, c'est... Parce que Bigard... déjà sur le 11 septembre, ensuite sur le Covid, et puis il a fait toute une série de sorties comme ça qui l'ont mis un peu en marge du show business. Hein. Il est un petit peu blackboulé, ou en tout cas maintenant il est pas en odeur de sainteté dans le showbiz. Et Dieudonné, bon bah lui, ça fait 20 ans qu'il est pas en odeur de sainteté dans le showbiz. Ces gars-là se sont dit bon bah finalement on a plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Pourquoi on ne ferait pas un spectacle ensemble qui s'intitulerait bah, Foutu pour foutu, c'est-à-dire ouais, nous deux, voilà, professionnellement foutu pour foutu, pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble? Autant y aller à fond. Et il devait faire ce spectacle, Dieudonné l'a annoncé, hein, très officiellement. Il y avait même l'affiche qui a été réalisée, et puis le compte officiel de Bigard a démenti. Alors on s'est dit, bah Dieudonné, il a inventé son truc, là, c'était faux, c'était mytho, et c'était pas mytho du tout, puisque ensuite Bigard a repris, s'est exprimé à nouveau sur son compte Twitter, expliquant qu'il n'avait pas la main sur son compte Twitter et qu'à présent il l'avait, et qu'il y avait bien eu un projet de spectacle commun, mais qu'en raison des pressions qui étaient celle qu'il subissait, il devait abandonner. Et on a su par la suite, grâce à une intervention de sa productrice, qui s'appelle Madame Camus, relayée par la suite par Dieudonné, on a su en fait que c'était Cyril Hanouna hein, qui mobilisait tous ses réseaux pour que ce spectacle n'ait jamais lieu. Évidemment, vous imaginez bien, la convergence Dieudonné-Bigard, en termes, j'allais dire, de notoriété, de public, ça aurait fait une casse terrible que redoutent atrocement les Juifs. Et donc, on a Cyril Hanouna, qui apparemment essaye d'être le nouveau parrain du showbiz français, et qui intervient. Alors, j'aimerais... avoir votre sentiment là-dessus, est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Qui voudrait réagir? Ben, si personne veut réagir, moi je peux réagir. Encore une fois, dans cette affaire, ben, Cyril Hanouna, je dirais qu'il est à sa place. Il est à la place du censeur. Donc, il exerce la censure. Ce qu'il faudrait, je ne juge personne, hein, mais ce qu'il faudrait, ce serait que Jean-Marie Bigard ait le courage de dire rien à faire de la censure de Cyril Hanouna, même si, d'après ce que j'ai compris dans la vidéo de Madame Camus, il y avait des liens entre Cyril Hanouna et Jean-Marie ouais. Bigard, mais là, il faudrait que Jean-Marie Bigard ait le courage de dire « Bon, eh bien maintenant que vous voulez m'empêcher, je brise nos liens et j'ai le courage de monter sur scène avec Dieudonné. » Et deuxièmement, il faudrait que suite à cela, et en effet, comme tu l'as bien dit, ça ferait certainement venir du public. Et si à ce moment-là, le public français, par soutien, rien que par soutien, même des gens qui, comme moi, n'apprécient pas tellement ces humoristes, hein, mais je veux dire, ça c'est une question tout à fait personnelle, mais si après le public disait « oui, on va y aller, on va les soutenir, on va réserver et on participera tête haute au spectacle », eh bien, le pauvre Cyril Hanouna serait dépassé. Tant que Jean-Marie Bigard, hélas, ne pourra pas, pour des raisons personnelles que je ne juge pas, mais n'osera pas outrepasser les menaces de M. Hanouna, et si le public ne suit pas, eh bien, c'est M. Hanouna qui aura gagné. Mais encore une fois, il est dans son rôle, M. Hanouna. Je veux dire, c'est le censeur. Ce sont ces gens qui disent, voilà, vous avez le droit de voir ça et de ne pas voir ça. Mais oui, mais le problème, c'est qu'en face, on baisse son froc. Pardonnez-moi ma vulgarité. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Je veux dire, moi, à mes premiers procès, c'était en gros, bon, ben, Renoir, vous êtes jeune, vous pouvez encore vous rattraper, maintenant, taisez-vous. On vous a mis du sursis, quelques petites amendes à payer, maintenant, taisez-vous. Et ben, moi, je leur ai dit, crotte, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas, vous ne pourrez pas me censurer. Et ben, voilà. C'est ce qu'il faut faire, encore une fois. Plutôt que d'aller vituperer un Hanouna, moi, je dis, mais, monsieur Bigard, allez-y. Allez-y, ayez le courage, vous n'allez pas en mourir. Voilà, voilà ce que j'ai à dire sur cette affaire. Justement, sa productrice a tendance à dire que il pourrait en mourir parce qu'il est assez malade. Alors bon, là, c'est sa productrice qui le dit. Oui, d'accord. Bon ben et alors, et ben s'il meurt sur scène. Comme Molière. C'est la, je crois que c'était la meilleure fin pour. Oui, oui, oui. J'ai pris des risques. J'ai plus de sécurité sociale, j'ai plus rien. T'as raison, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais ce que je veux expliquer, c'est que déjà, c'est récurrent dans le show business, c'est que les juifs mènent le bal, des vampires en l'occurrence. Et ces gars-là. Je reste assez interdit face à ça. C'est rigolo parce que ça revient constamment. Donc évidemment, Bigard n'était certainement pas antisémite. Bon, c'était pas son. Mais ils sont dans une situation très très délicate, très ambivalente aussi. Donc Bigard n'est pas antisémite à l'origine, c'est évident. Mais bon, il a commencé à poser des questions sur le 11 septembre, je pense qu'il a remarqué qui c'est qui réagissait à ce type de questions. Ah, bien sûr, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le Loose Change, ces trucs sur lesquels on a accès sur Internet, où quand même on est absolument sûr et certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existent pas. Il n'y a jamais eu d'avion, ces deux avions volent encore, c'est un mensonge absolument énorme, quoi. Et qu'il est vraisemblable que de plus en plus, on enquête là-dessus, il y a un Français d'ailleurs qui a mis la puce à l'oreille à tout le monde, hein, qui avait fait un livre, l'imposture, machin, et qu'on commence à penser très sérieusement que ni Al-Qaïda, ni aucun Ben Laden n'a été responsable des attentats du 11 septembre. Vraiment, vous pensez ça? Il y a à peu près 12 ou 13 sujets à regarder absolument, qui sont d'ailleurs plus ou moins bidouillés pour qu'on puisse ou pu entendre le son, tout ça. Il y a un mec, David Ray Griffin, fait des conférences en ce moment aux États-Unis, c'est hallucinant. Si vous regardez ça, vous ne croyez plus jamais à rien, quoi. Il y a aussi Marion Cotillard qu'on a parlé, mais c'était moins passionnant. Quand même. Non, mais c'est quand même à peu près le même sujet, ouais. Quoi. C'est juste, il est juste très très vraisemblable que la version officielle américaine ne correspond tellement pas à la réalité. Ils refusent tellement de montrer pourquoi ils nous montrent pas les caméras de surveillance. Ils ont intérêt à nous montrer un avion qui frappe le Pentagone. Non, c'est un missile américain qui frappe le Pentagone, tout simplement. Donc ils ont provoqué eux-mêmes, ils ont tué des Américains. On apprend la vérité du jour une trentaine d'années après. Mais là, on la sait maintenant. Vous croyez ça, Alfonsi? Alfonsi a pas l'air d'accord. J'ai vu ces films, hein. Je les ai vus. Ils sont tout à fait extraordinaires, d'ailleurs. Ouais. C'est troublant quand vous regardez ces films qui sont faits par des Canadiens, je crois. C'est troublant, c'est vrai. Il y a une démonstration. Le plus troublant sur les tours jumelles, c'est qu'ils racontent surtout que une démolition contrôlée. Qu'ils se soient servis de ça pour ensuite faire leur guerre en Irak et faire absolument, bon, tout colle, prendre la population américaine en main et faire réussir absolument la politique de Monsieur Bush, ça c'est certain, j'en suis sûr. Il y a un truc très troublant simplement dans ce film. Moi je ne crois pas à cette idée. Vous êtes d'accord que c'est une démolition programmée, tours du World Trade Center? Je suis mais pas d'accord. Mais tous les spécialistes de la Terre sont d'accord là-dessus. Le Covid, je pense que ça n'a pas aidé, mais il a une femme juive. Et c'est sa femme qui le contrôle. C'est la femme juive qui le contrôle. Et évidemment, c'est constant. C'est-à-dire qu'il y a toujours un juif qui repère quelqu'un de talent pour aller sucer son sang, sucer son argent et le contrôler. C'est toujours comme ça. Et comme on n'a pas des gens qui ont une conscience antisémite, ils ne se méfient pas. Ils ne se méfient pas. Ils se laissent abuser très très facilement. Voilà. Ou alors même, ils deviennent même carrément des philosémites enragés, parce que comme leur femme est juive, ils deviennent complètement fous, quoi. Et alors Bigard, je pense qu'il devait être un peu un libre penseur et qu'il devait apprécier Dieudonné. et qui se posaient des questions. Je pense qu'ils étaient en contact, hein, plus ou moins, quoi. Hein. Ils devaient échanger. Bigard devait dire putain, il y a la barre. Parce que Bigard était très en colère. On lui interdisait ses spectacles durant le confinement. Donc je pense que souvent, il y a des gens comme ça qui se posent des questions simplement parce que dans leur quotidien, il se passe quelque chose. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc quand Bigard n'a pas pu faire ses spectacles à cause de cette histoire de grippe mortelle qui allait tuer des millions de gens, là, en France. Bah, il a fondu un plomb. Alors, il a fondu un plomb de manière pas très habile, parce qu'on sent que, bon, déjà, il a un certain âge, déjà, d'une part. On voit qu'il a des problèmes personnels de santé. Alors, quoi, comment, où, bon, ça le regarde. Mais bon, c'est évident que l'homme est diminué. Et donc, quand t'es physiquement diminué... Et psychologiquement diminué, tu n'as pas le même allant que quand tu as, je ne sais pas, moi, 30 ans et que tu te sens prêt à défier tout le monde. Hein, voilà. Donc, et en plus, si tu as une femme juive qui contrôle tout, et on ensuite, c'est ce que j'ai compris de la vidéo de Dieudonné aussi, citant hein, sa productrice, expliquant qu'en fait, le juif Hanouna avait complètement. Contrôlait une bonne part des activités de Bigard, et ben oui, tu arrives à ce degré-là où en fait, comment dirais-je, où tu deviens prisonnier de ton propre corps. Je pense qu'il y a un certain nombre de gars dans le show business qui ont cette impression-là, c'est-à-dire qu'ils ont créé un personnage, vous voyez, dans leur carrière professionnelle. Mais par le jeu de la production juive, les producteurs, enfin tout cet environnement est très très très très juif, hein, très très juif. Hein. Bon, la place de Paris est juive, le show business c'est juif, c'est vraiment juif. Je veux dire, si vous déplaisez aux juifs, vous pouvez pas faire carrière. Hein. Et ces gens-là, ils ont du talent, bon, on les laisse faire. Et puis à un moment donné, s'ils veulent vraiment être libres, là ils se rendent compte, ah non, mais en fait il y a des chaînes. J'ai des chaînes autour du cou, je m'en étais pas aperçu. Et là, ils sont dans un rapport ambivalent par rapport à ces chaînes. C'est soit ils acceptent leurs chaînes, bon, ça c'est la fable du loup et du chien de La Fontaine, soit ils les acceptent, soit ils les rejettent. Et il y a des gens qui consentent à leurs chaînes, mais qui ne l'acceptent vraiment jamais complètement. Et là, c'est la schizophrénie qui prend le dessus. Et ils savent plus comment faire, ils en deviennent fous. Hein. Mais on a l'exemple caricatural hein, avec Dieudonné, peut-être que pour les plus jeunes auditeurs ils ne s'en rappellent pas, mais c'était plutôt à la fin des années de 2000, enfin avant 2010 quoi. C'est quand Dieudonné a défié frontalement le lobby juif qui contrôle le show business, et que Jamel Debbouze, qui était un peu la star montante des banlieues, comme vous le savez, au cinéma, l'a rejoint sur scène pour le soutenir face au lobby juif, hein, je veux dire, il a reçu des menaces très claires. Donc vous savez qu'il a une histoire de d'homicide au cul, hein. Il est accusé d'avoir poussé un mec sous un train à cette occasion-là, hein, il est accusé d'avoir poussé un mec sous un train, donc il a un dossier qui pourrait être réouvert ou pas réouvert, bref, peu importe, en tout cas, c'est une rumeur insistante, et une rumeur que les juifs ont toujours utilisée contre lui. Bon, il a fermé sa gueule. Parce qu'on lui a dit, d'un côté, t'as tes Lamborghini, t'as ton star, t'as ton statut de star, etc., puis de l'autre côté, t'as Fleury Mérogis, qu'est-ce que tu choisis? Bon, je pense que c'est... Bon. Dans la tête du Marocain, ça a été vite fait, quoi. Voilà, il a dit, bon, je vais rester juste le bougnoule de service, je vais dire que l'islam, c'est cool, que les banlieues, c'est génial, et que la France multiculturelle, c'est le futur. Voilà, bon, des platitudes comme ça, puis c'est terminé. Voilà, bon. C'est vrai que Dieudonné est resté sur un autre créneau, hein, voilà. Et, Bigard, alors lui, qui est un Gaulois, hein, qui joue un rôle de beauf, enfin, il surjoue d'ailleurs le rôle du beauf, hein, volontairement. C'est un personnage qu'il a créé. Il est quand même très populaire, mais il s'est dit, on lui a fait sentir, non, il y a une laisse, tu peux pas, quoi. Alors, lui, c'est carrément, lui, il a Esther dans son lit, donc lui il est, c'est le roi de Perse, quoi. Il peut rien faire, quoi. Vous voyez ? Et je crois que beaucoup de gens dans le show business français sont dans cette situation. Il y a beaucoup de mains et beaucoup de gens. Et Dieudonné, en fait, je sais qu'il est critiqué par certaines choses qu'il. certains travers de sa personnalité. Bon, ça c'est autre chose, mais il est en contact avec beaucoup de gens du showbiz qui sont totalement d'accord sur ce qu'il dit. Et on parle bien des juifs. De gens qui n'en peuvent plus de la domination juive sur la vie culturelle française. Ils n'en peuvent plus. Mais les juifs tiennent tellement tout qu'ils n'osent pas aller plus loin. Mais ils vont rencontrer Dieudonné, ils vont échanger avec lui, ils vont être d'accord avec lui. Déjà, quand vous... Et même, et j'en termine, je vous donne la parole, mais déjà, quand il y a un artiste qui dit... Parce que c'est ce qu'a dit Bigard, il dit, oui, mais Dieudonné, c'est quand même un des artistes les plus talentueux de notre génération. Donc, je pense qu'il parlait des artistes de scène, quoi, de théâtre, one-man show, ce genre de trucs. Il disait, ouais, c'est un des plus... Voilà, j'aurais aimé faire ça avec lui. Bon, déjà, quand il dit ça, pour le lobby juif, c'est pas possible. Mais comme Bigard a quand même un énorme nom, il a une énorme renommée, ça suffit pas à le cramer. Sa carrière est faite, sa renommée est faite, on peut pas grand-chose contre lui. On peut l'empêcher de servir de caisse de résonance à Dieudonné. C'est ce que fait Hanouna. Il y a un autre qui a fait ça dans le même genre, c'est Astier. Bon, Astier, il a dit du bien de Bigard, il a dit du bien de Dieudonné. Après, les gens qui me disent que c'est antisémite, je vois pas. Moi, je peux voir 50 spectacles de Dieudonné, je ne sors pas antisémite pour autant. Pour moi, quand on sait à peu près où est-ce qu'on marche, on peut entendre parler Dieudonné pendant un milliard d'années de tout. On peut prendre ce qu'on aime beaucoup, c'est pas pour ça qu'il va nous transformer. On a un cerveau, c'est tout. Alors ceux qui disent que, voilà, qui parlent de prosélytisme et qui disent qu'il faut lui interdire les salles, je suis contre ces mecs-là. Ça veut pas dire que je suis pour le combat de Dieudonné, ça veut dire que je suis contre interdire les salles, tout comme je serais toujours contre les gens qui veulent interdire des trucs aux autres. Alors il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, alors ça c'est plus litigieux pourrait-on dire, j'ai été très étonné il y a un an à peu près en 2010, vous avez pris la défense de Dieudonné, et vous avez dans VSD, je lis, la Dieudonné n'est pas plus antisémite qu'un autre, ce mec n'est pas plus antisémite que n'importe qui, il est entré dans une provocation dont il n'arrive pas à sortir. Alors pourquoi vous avez apporté comme ça ce soutien à Dieudonné ? Bah, je le considère pas tellement comme un soutien, je connais pas le gars. Il y a deux choses auxquelles je tiens. Je tiens à préciser que le type, je ne m'occupe pas de ce qu'il dit en dehors de ses spectacles. Moi, je ne vois que ses spectacles. Ah, c'est le comique qui vous intéresse, en fait. C'est même l'acteur et l'auteur. Ouais. Je trouve que c'est quelqu'un qui est proprement génial. Je suis pas le seul à le penser. Tout le monde, même ceux qui ne lui parlent plus, admettent que c'est un de nos meilleurs. Et d'autre part, je pense que je suis 100 fois plus en colère et honteux d'être dans un pays qui lui coupe la parole et qui l'empêche de faire la promo de ses spectacles et qui le chasse des salles où il est obligé de jouer dans un bus. Et je nous trouve sales pour faire ça. Qui disent ce qu'il veut, je m'occupe pas de politique. Vous n'êtes pas choqué par ces dérapages? Mais en fait, je crois que ces dérapages sont des réponses à des, parce qu'en fait, il veut pas se taire et que du coup, il continue d'aboyer, mais il ne m'intéresse absolument pas dans ce domaine. Je m'intéresse à lui pour ce qu'il sait faire de magiquement bien et c'est pas ça. Et lorsqu'il provoque, jusque dans ses spectacles, par exemple. Dans ses spectacles, je la trouve chouette parce qu'il provoque tout. Moi, j'ai vu tous ses spectacles, je trouve que tout le monde en prend pour son grade. Même quand il fait venir Forisson sur scène. Forisson sur scène, c'est pas un spectacle que j'ai vu, ça, mais comme il parle de Forisson, ça me fait rire, oui. Le type qui nie tout. Qui nie y compris tout ce qu'il y a autour de lui, qui nie aussi le mur de l'esclavage et tout ça, le pèlerinage des esclaves. Il parle bien d'un type qui nie tout, et puis il le décrit comme un type qui est un peu taré de tout. Oui, vous pensez qu'il ne soutient pas, il n'y a pas de soutien à Forisson dans la façon dont Dieudonné en parle? Non, il provoque en invitant un type ininvitable, mais encore une fois, c'est pas ça qui est intéressant chez lui. Je ne m'occupe pas de ce genre de truc-là. Je ne suis pas politisé. Je ne suis contre personne. J'aime pas les religions. Je vous le cache pas. Je suis pas religieux. Je pense que la religion, on devrait laisser un peu tomber ce truc-là de nos jours. On devrait passer à autre chose. Mais Dieudonné est un bon. Voilà. Et s'il pouvait fermer sa gueule de temps en temps sur autre chose, il se rendrait service et il nous rendrait un bon acteur qu'on pourrait utiliser. Là, on a une espèce de blacklist. Incroyable, mais encore une fois, je pense que ce qui me met le plus en colère, c'est qu'on empêche ce type de parler. On n'est pas dans un pays où on empêche les types de parler. À mon avis, il y a quelques oreilles qui se sont tendues. Bon, il n'a pas réitéré depuis. Hein. D'ailleurs, pareil, Astier, il est cerné de juifs. Hein. Il est constamment avec Shabbat, des mecs comme ça. Enfin, c'est quand même beaucoup ça. Donc voilà, C'est vraiment, c'est, si vous êtes sur Paris, vous pouvez pas. Quoi. Quelqu'un veut réagir là-dessus ou quoi sur ce? Oui, vite fait. C'est juste pour rappeler que, en plus, il y a un fait aggravant, c'est que c'est en France. C'est-à-dire que le problème en plus en France, c'est que c'est très compliqué d'avoir, de créer son réseau alternatif, parce qu'en fait, vous êtes cerné en France, parce que comme tu le dis, les Juifs et leurs sbires contrôlent tout. Et, ça fait que du coup, vous devez, si vous voulez faire des spectacles, il y a de grandes chances que la mairie puisse faire interdire, que les salles, elles appartiennent à la collectivité, je sais pas trop quoi, et du coup vous pouvez pas vous produire parce que vous devez avoir un tampon administratif. Enfin, c'est très compliqué en France de faire de l'alternatif. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est un peu plus possible dans des pays où l'État n'est pas aussi proéminent. Vous n'avez pas accès au canal principal, mais vous avez des canaux alternatifs. En France, c'est quasiment impossible. Je veux dire. Ah oui, aux États-Unis, interdire un spectacle, c'est impensable. Ça n'aurait jamais eu lieu. Ce qui s'est passé avec Dieudonné, vous rappelez? Voilà, Quand Valls s'était rentré en croisade contre Dieudonné. Interdisant ces spectacles, notamment à Nantes, déployant même les flics, je veux dire, sur insistance des Juifs, c'était revendiqué, c'était le CRIF et tout, là, ils montaient au front, je veux dire, là, on peut pas. Il était juif par sa femme, oui. Oui, enfin, Valls, c'était un instrument, consentant, servile, mais un instrument du lobby qui n'existe pas. Et ils ont quand même décrété une croisade, enfin, le terme est assez mal choisi en l'occurrence, mais enfin. C'était une guerre juive contre Dieudonné pour l'interdire de se produire, qui prévaut encore lui. On a vu des mairies. Alors, je sais déjà ce que va dire Vincent. Il va dire oui, mais bien sûr les Juifs, mais les mairies se couchent devant les exigences des Juifs. Oui, je suis d'accord. Enfin, souvent c'était des mairies de gauche aussi. C'était des gens qui idéologiquement rejoignaient complètement la vision du monde des Juifs qu'ils promeuvent. Quoi. Mais c'est vrai qu'il est très difficile d'exister en tant qu'artiste en marge en France, parce qu'ils ont créé ce truc, enfin Mitterrand a créé ce truc, enfin c'est Jack Lang, le juif Jack Lang, bon alors Mitterrand lui a donné ça, mais le juif Jack Lang a créé le ministère de la culture qui subventionne tout. Donc on a étatisé la culture en France, d'accord ? Tous les arts sont étatisés. La culture en France, c'est pas que les arts, mais vous m'avez compris. Donc tout est étatisé. Et les Juifs contrôlent le robinet. Et d'ailleurs, rappelez-vous que c'est l'origine du contentieux entre Dieudonné et les Juifs. Dieudonné a voulu faire un film sur l'esclavage aux Antilles, je crois. D'ailleurs, depuis, ils en ont fait un autre, avec un amuseur public, là, un métis, j'ai oublié son nom, c'est Éboué, voilà, mais qui est inoffensif, parce qu'il ne mord pas la main qui le nourrit. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'un nègre, un mulâtre, qui fait un truc sur antiraciste sur l'esclavage, c'est pas un problème. Tout le monde s'en fout. Mais s'il replace l'esclavage dans son véritable contexte, qui commence à expliquer qu'il y a une petite dimension dans la traite négrière et qu'on retrouve une certaine communauté dans cette traite, ça va devenir compliqué. Vous voyez, ça, c'est ce qui s'est passé avec Dieudonné. On a dit à Dieudonné, après son sketch, quand les Juifs ont compris que Dieudonné voyait clair, hein, en gros. Et qu'on lui a dit « Non, non, mais toi, t'auras pas d'argent pour ton film, et t'auras d'argent pour rien, et de toute façon, t'auras plus jamais accès à des films importants et tout. » Bon, bah, il s'est énervé, quoi. Et c'est ça. C'est les subventions, c'est le CNC. Le CNC, c'est ceux qui décident de qui va faire un film. Donc, sauf à avoir des milliardaires qui sont derrière vous, qui vous permettent de vous autofinancer, vous êtes obligé de solliciter de l'aide publique. Mais c'est le copinage. J'ai même envie de dire, si vous voulez, Enfin, c'est la synagogue, hein. Là, c'est même, en fait, c'est la juiverie polonaise. Hein. Eh oui. Vous ne ferez pas de film si vous n'avez pas le CNC avec vous. Et le CNC, c'est les copains. Et les copains, c'est entre beaucoup de parenthèses. Oui, d'ailleurs, moi, j'ai un témoignage familial de première main. Je ne peux pas dévoiler les noms parce que ce sont des gens qui sont encore dedans. Mais bref, dans la famille, j'ai un membre qui est un membre de ma famille qui est dans les milieux télévisuels, cinématographiques. Hein. Eh bien, c'est un homme de gauche, hein, absolument pas de nos amis politiques. Et un jour, pendant un repas, il a dit, oh, bah, de toute façon, le cinéma en France, c'est 10 juifs. Si t'es pas juif, tu rentres pas. Heureusement que j'étais assis, parce que de sa part, je m'attendais à tout sauf à ça. Donc, et bon, c'était il y a 30 ans maintenant qu'il a dit ça, hein. Mais voilà, j'ai entendu dans un repas dire ça, lui, encore une fois, qui est vraiment de gauche, absolument opposé à toutes nos idées. Je me dis, bah dis donc, pour qu'il se rende compte de ça, c'est que ça doit vraiment être prégnant dans ce milieu. Oui, oui, totalement. Moi, j'en connais quand même aussi des gens de ce milieu-là, donc milieu du cinéma, plutôt dans la partie technique. Et donc des gens de gauche, hein, attention, hein, des gens de toute façon c'est essentiellement des gens de gauche, il n'y a pas de gens de droite si vous voulez, ou alors des gens durant la phase des années 2000 avec Alain Soral, parce qu'Alain Soral, bon, on peut critiquer bien sûr, mais il y a eu quand même, il a en quelque sorte donné un coup de pied dans la fourmilière. Ça, je pense qu'on peut au moins reconnaître. C'est-à-dire qu'avant, on était sur un schéma classique, droite-gauche, les juifs contrôlent les deux. Et bon, il a mis un coup de pied dans la fourmilière en mélangeant un peu tout. Alors, je ne dis pas que tout ce qu'il a dit était juste ou quoi, mais il a quand même remis beaucoup de choses en question. Beaucoup de gens se sont posés des questions. Et il y a beaucoup de gars qui étaient de gauche, qui étaient, j'allais dire, connement de gauche, vous voyez, sans trop se poser des questions, qui se sont dit, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même, des choses qui se passent dans la coulisse que comme des contes béotiens, on ne voit pas. Et beaucoup de gars, justement, qui sont des mecs de gauche et qui resteront des gars de gauche, hein, qui me parlaient, hein, qui savaient très bien quelles étaient mes idées, d'ailleurs, mais qui me parlaient, alors ils n'étaient pas d'accord, hein, généralement sur la question raciale, en fait. C'est la question raciale, en général, qui bloque, ils disent « je suis d'accord sur ça, là, non, au niveau de la question, là, je suis pas d'accord. » Bon, mais peu importe. Les gars disaient, non, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a que des juifs, c'est que des juifs. J'avais des techniciens qui intervenaient sur l'éclairage dans les films, donc qui étaient dans le milieu, quoi. Et le mec me disait, tiens, je suis sur un film en ce moment, tu devineras jamais qui est le réalisateur. Il a dit, ah non, je connais pas son nom. Ouais, non, mais je veux dire, tu devineras jamais d'où il vient. Ah, je dis, oh, bah si, c'est un juif quand même. Ouais, bon, c'était pas très dur. Et ils en peuvent plus. Un jour, j'ai été interrogé par un inspecteur des renseignements généraux. Bon, c'est pareil. Bon, je pense plus qu'il est en fonction, mais peu importe. Je dirais pas son nom. Et je lui ai dit, ah, quand même, le révisionnisme, ça embête un peu la communauté juive. Et il me répond du tac au tac, ah oui, mais mon pauvre monsieur Renoir, ce sont les juifs qui contrôlent tout. Ah, j'avais dit, ben, dites-moi, de votre part, c'est surprenant, hein. Donc, c'était un inspecteur des renseignements généraux. C'est-à-dire, c'était pas un vulgaire Pékin qui avait vu Dieu de dos. Hein. Non, pas du tout. Et ça remonte pareil il y a 25 ans. Quoi. Et là, ça m'avait vraiment surpris les aveux qu'on peut entendre. Ah, justement, c'est le mieux placé pour le savoir. Je pense qu'il était très bien placé pour le savoir. D'ailleurs, en gros, c'était ça. C'était. J'étais encore jeune à l'époque, il me disait, bon, bah, écoutez, arrêtez, vous n'avez aucune chance face à ça. Oui, bon, voilà, enfin, et bon, bah, là, c'est un énième exemple. Bon, de toute façon, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin dans les renseignements généraux pour voir que les Juifs contrôlent la France, mais ça, c'est un exemple concret de droit de veto, communautaire, hein, sur un projet qui redoutait. Et là, c'est, pour le coup, c'est Cyril Hanouna, vous savez. Alors, pareil, hein, l'amuseur public est là, qui joue un peu le copain de tout le monde. Ah ben, j'invite les gens d'extrême droite. Non, vous avez qu'à regarder qui ils invitent. C'est toujours des mecs qui posent pas excessivement de problèmes aux juifs. C'est la fausse impertinence. Oui, non, oui, c'est surtout le monde levantin, là. Tu sais, t'as l'impression dans un souk, là, en Judée. Ah, t'es mon ami, toi. Attends, t'es mon ami. Hein. Vas-y, regarde une chaise pour toi, là. Regarde qui j'ai fait venir. Tu vois, le mec, il a envie de t'égorger. Allez, vous allez discuter ensemble. Oh là là, là, il y a la caméra. Regardez bien, là. Vous voyez, tu vois, ça, c'est des trucs de juifs, ça. Tu vois, c'est des trucs de juifs, ça. Tu vois, un pays qui tolère un truc comme ça, c'est un pays qui est enjuivé à mort. La France, c'est un pays enjuivé à mort, excusez-moi. Voilà, donc, et on n'interroge jamais les gens, en effet, tu as raison, qui poseraient des vraies questions et des vrais problèmes. Ben non, parce qu'ils poseraient des questions sur les juifs. Ouais. Je me souviens, en Belgique, il y avait eu l'affaire d'un, d'un gars qui détroussait les morts. C'était un employé des pompes funèbres. Ah, c'est une tradition communautaire aussi, ça. Alors je sais pas trop, mais toujours est-il qu'il avait il y avait un journal qui lui avait ouvert ses colonnes, et sur une page entière, il avait interviewé pourquoi vous avez détroussé les morts, etc. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais dit à mon épouse, tu vois, ce mec qui est répulsif, je veux dire, il détroussait les morts, il avait volé des bijoux, tout ça, c'est répulsif. On lui ouvre les colonnes, mais moi, par contre, on m'autorisera même pas à écrire un seul entrefilet. Quand tu poses les vraies questions et les vrais problèmes, alors là, tu peux être sûr que tout se ferme, mais par contre, tu peux être un détrousseur de cadavres, c'est bon. Là, non, il faut qu'il s'explique, il a le droit de s'expliquer. J'avais été carrément outré à l'époque. Alors, messieurs, dernière rubrique, multiculturalisme, je voulais aussi parler de ça, c'est le fait que Salman Rushdie ait été poignardé aux États-Unis. Bon, je pense que tout le monde a entendu parler dans les médias, parce qu'il y a eu un tel battage médiatique là-dessus. Salman Rushdie, c'est un auteur d'origine indienne, Cachemiri plus exactement, donc c'est un territoire disputé entre le Pakistan et l'Inde. Territoire de peuplement majoritairement musulman, mais avec une minorité hindoue. Donc c'est une question territoriale, mais marquée religieusement, sachant que les Pakistanais et les Indiens sont des gens de même race. Hein. C'est la division entre ces gens se fait sur une base religieuse. Hein. C'est ça qui a mené à la division entre le Pakistan, le Bangladesh et l'Inde. Tout en précisant qu'il y a plus de 100 millions de musulmans en Inde même encore aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui, bien que de tradition culturelle musulmane par sa famille, a complètement rejeté la religion, qu'il estimait être un carcan aliénant, et qui a en fait dénoncé très tôt dans sa carrière d'auteur, justement, ce caractère aliénant. Bon. Et il a écrit un ouvrage dans les années 80 qui s'appelait Les Versets sataniques. Voilà, bon, chacun peut éventuellement le lire ou pas, ou en juger la pertinence ou non, mais qui avait suscité la colère principalement des Iraniens, pour commencer. Hein. C'était l'imam Khomeini qui avait dénoncé ce livre et qui avait proclamé une fatwa, donc une condamnation avec un appel à tuer l'apostat, puisque vous savez qu'en islam, l'apostasie est condamnée de mort. Hein. Ça, ce n'est pas sujet à discussion. Hein. Bon, par la suite, les Iraniens, dans les années 90, ont retiré cette condamnation à mort. Le traducteur japonais, d'ailleurs, de l'œuvre avait été assassiné au Japon, par un inconnu, probablement un agent iranien d'ailleurs. Et plus tard, les Iraniens sont revenus là-dessus au milieu des années 2010 en disant que finalement, il était quand même valide. Bon, bref. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de fatwa. Les fatwas, c'est des trucs qui... Enfin, c'est complètement dépassé aujourd'hui, puisque maintenant, le terrorisme musulman, en fait, on tue des gens à l'aveugle, en fait. Hein. Le truc des fatwas, c'est complètement has-been, en fait. Hein. C'est plus du tout la même époque. L'Iran est plus du tout moteur dans ces questions-là. Ils ont quand même beaucoup abandonné le côté trop violent de ce genre d'initiative. Et à la place, les sunnites ont pris le relais, mais eux, ils tuent à l'aveugle. Donc c'est pour dire que les fatwas, c'est plus vraiment d'actualité. Mais Rushdie a été attaqué par un individu qui a été interpellé. Alors, il a reçu une dizaine de coups de couteau, dont un à l'œil. Hein, donc, il va perdre probablement la vue d'un œil. Et voilà. Donc, a priori, il devrait survivre à l'attaque. Mais enfin, il a été quand même sévèrement touché. Donc, c'était quelqu'un qui, maintenant, a environ 75 ans. Hein, voilà. Alors, les versets sataniques, je ne vais pas me pencher sur le truc. Enfin, les musulmans avaient trouvé que le contenu de son ouvrage était blasphématoire. Alors, les réactions ont été très intéressantes, puisqu'effectivement, bon, ça indubitablement, hein, c'est que ça pose la question de la mémoire, puisque les faits reprochés à Rushdie par les musulmans remontent aux années 1980. Donc on est presque 40 ans après les faits. Du point de vue islamique, je précise, je veux dire. Donc, 40 ans après les faits, et effectivement, l'attaque est quand même portée contre lui. C'est-à-dire qu'il a quand même... il a presque failli mourir de cette attaque. Et il est évident qu'il y a une dimension islamique à cet attentat, hein, c'est évident. Alors Macron a réagi, et il a dit ceci, et en ce sens c'est assez révélateur. « Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l'obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper lâchement. Son combat est le nôtre. Universel. Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, à ses côtés. » Alors, pourquoi s'arrêter sur les propos de Macron? C'est pas parce que c'est Macron, c'est pas parce que j'ai envie de dire du mal de Macron particulièrement aujourd'hui. C'est que, évidemment, la communication d'Emmanuel Macron est prise en charge sur des sujets comme ça par des gens qui sont quand même informés du contexte culturel, politique, géopolitique, des implications. Donc ce ne sont pas des tweets qui sont écrits à la va-vite par Macron lui-même. C'est vraiment la diplomatie française qui se charge de faire passer un message. Donc chaque mot est pesé, en ce sens, il résume assez bien la position française, et non seulement de l'État français, hein, mais aussi, je crois, de la société française. Et c'est ça qui rend ce tweet particulièrement intéressant. Alors, je ne vais pas donner mon point de vue là-dessus, je le donnerai un petit peu après, mais je vais interroger nos participants, et je vais tout de suite commencer avec Vincent. Les autres participants ne m'en voudront pas, mais je sais que Vincent a un point de vue assez articulé sur le sujet, il en a fait souvent part dans l'émission. Et là, alors évidemment, tu auras certainement des choses à dire sur le contexte, etc., mais sur la réaction de Macron, sur le choix des mots, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Oui, bah, merci, c'est un honneur de me poser la question, je ne sais pas si je le mérite. Mais bah, déjà, bon, je vois que M. Macron n'a pas parlé d'islamisme dans cette affaire. Dans ces moments-là, c'est la haine et la barbarie. Je veux dire, c'est un peu comme, par exemple, quand les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, font un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, il y en a forcément dans toutes les armées, c'est le nazisme. Mais quand c'est les Alliés, c'est la guerre. Ah ouais, la guerre a été très dure. À Dresde, la guerre a été très dure. Là, c'est la guerre, soudainement. Ben là, on voit tout de suite que quand on ne veut pas désigner quelque chose de très précis, qui est quand même l'islamisme radical, c'est peut-être un pléonasme d'ailleurs, mais on parle de la haine et de la barbarie. Donc, c'est-à-dire que l'on efface entièrement les coupables. Je veux dire, c'est fini. Il n'y a plus de coupables. C'est la haine et la barbarie. On ne sait pas trop. C'est quelque chose qui l'a frappé. Oui, c'est une passion humaine, en fait. Voilà, c'est une passion humaine qui l'a frappé. Voilà. C'est ça. Tout comme c'est quand c'est les Alliés qui bombardent Hiroshima, c'est la guerre. C'est la guerre. Non, c'est pas les Américains. C'est la guerre qui est dure. Oh ouais, là, la guerre, elle a été vraiment atroce. La guerre. Voilà. Ça, c'est leur grande rhétorique pour, hop, soudainement mettre de côté, leur truc. Alors après, l'histoire du combat pour la liberté, moi ça m'amuse, hein. Personnellement, je suis assez bien placé pour voir que le combat pour la liberté, pour la libre pensée, bon oui, monsieur Macron, je vous fais un petit coucou là de l'Angleterre, sans trop me montrer quand même, pour pas que vous me saisissiez, mais enfin bon, j'ai toutes les raisons de douter un peu de vos propos. Les combats pour la liberté, c'est toujours les combats qui nous arrangent, hein. Et, bon, il y en a d'autres, bon. Donc ça c'est toute une hypocrisie. Et là-dessus, justement, ce qui est très amusant, finalement, c'est que dans toutes ces affaires, je me souviens, ça me rappelle toujours le proverbe grec, la meule des dieux mouffe lentement, mais elle mouffe fin. Sous-entendu, il y a la justice immanente qui, un jour ou l'autre, va vous frapper, et ça va vous frapper bien fort. Parce que finalement, lorsque M. Macron nous parle de la barbarie, etc. Mais moi, la barbarie au nom de la religion, hein, je dis, mais vous n'auriez pas semé vous-même, enfin les gens dont vous réclamez, n'ont-ils pas eux-mêmes semé cette barbarie? N'ont-ils pas eux-mêmes mené une guerre religieuse qu'ils ont menée de façon atroce? Parce que, j'en reviens à la Seconde Guerre mondiale, ça n'étonnera personne, mais c'est pas gratuitement, c'est pas parce que je suis obsédé. Rappelons-nous ou apprenons le discours prononcé par Roosevelt au Congrès le 6 janvier 1942. Mais c'est un discours religieux. Roosevelt appelle à la croisade religieuse, et permettez-moi de vous en citer un petit extrait. Voici ce que disait Roosevelt, la traduction est de moi, hein. Alors, il parle des ennemis, il parle des nazis, et aussi des japonais, mais surtout des nazis. Ils savent que notre victoire signifie la victoire de la liberté. Ils savent que pour nous, la victoire signifie la victoire de la démocratie, de l'idéal de la famille, de la politesse et de l'humanité. Ça fait un peu rigoler aujourd'hui, mais enfin, poursuivons. Ils savent que notre victoire est celle de la religion, et ils ne peuvent le tolérer. Le monde est trop petit pour voir coexister l'hitlérisme et Dieu. Donc le monde est trop petit pour voir coexister l'hitlérisme et Dieu. La preuve, les nazis ont annoncé qu'ils comptaient imposer au monde le néopaganisme allemand. Leur plan consiste à remplacer la Sainte Bible et la croix de la miséricorde par la croix gammée et le fil de l'épée. Notre objectif est clair, écraser le militarisme, libérer les nations assujetties, avec comme but d'établir et d'assurer la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de choisir. Donc c'est une véritable croisade religieuse que les alliés entreprennent. Ils l'avaient déjà entrepris dès 1939, mais là, avec le puritanisme américain, le puritanisme yankee, on y arrive, on est vraiment dans la croisade religieuse. Et au nom de cette croisade pour la religion, pour la miséricorde, pour la civilisation, ces gens-là vont aller jusqu'à finalement pénétrer dans l'intimité de la matière en désintégrant l'atome pour pouvoir faire une purée de japonais, de 60 000 japonais en 10 secondes. Voilà, au nom de leur civilisation, ils vont bombarder, et bombarder notamment la France, bombarder des pays qui sont en état, qui ont perdu la bataille et qui sont en état d'armistice. Ils vont bombarder, ils vont inventer ces bombes au phosphore pénétrantes pour les maisons, qui se désintègrent dans les maisons pour pouvoir tout brûler. Hein. D'abord, ça perce les toits et ensuite, ça libère son phosphore après. Donc, une technologie, la science, mise au service du meurtre de masse. Et le 4 avril 1943, un ancien, d'ailleurs, un ancien parlementaire de la Troisième République qui était passé du côté de la Libération, a écrit un article, je ne le citerai pas, mais c'était dans Gringoire. Et il parlait justement de ces bombardements terribles. Et il terminait son article par une mise en garde. Et il disait, on nous assure qu'à coup d'ailes des Liberators, puisque leurs avions s'appelaient les Liberators, et à coup de rame des Liberty, puisque leur navire était appelé Liberty, nous prenons le chemin de la liberté. Ce n'est pas vrai. Nous sommes sur les routes de la barbarie. Cet homme avait parfaitement bien vu que des gens comme ça ne pouvaient que donner un monde de la barbarie. Donc voilà pourquoi, lorsqu'aujourd'hui M. Macron se plaint de la barbarie qui frappe, mais je dis, mais ce n'est que la justice immanente. Vous l'avez vous-même provoquée, et vous continuez d'ailleurs, parce que vous qui utilisez des armes à l'uranium appauvri, hein, regardez les dégâts que ça fait sur les populations, les choses atroces dont personne ne parle d'ailleurs. Moi j'avais consacré une vidéo à la question, personne n'en parle. Vous qui pillez, qui polluez la planète, etc. Mais vous qui assassinez des enfants par centaines de milliers, hein, et vous venez nous parler de barbarie, eh ben vous l'avez vous-même semé. Moi, je ne vous en plains pas. Vous avez gagné sur le camp de l'Axe par une guerre qui était un gigantesque crime contre l'humanité, et bien aujourd'hui, vous récoltez ce que vous avez, je ne vous plains pas. Voilà ce que j'ai à dire quand M. Macron ose me parler de barbarie qui frappe. Oui, il y a un élément, il y a obscurantisme qui est une vieille... un vieil élément, oui, non, ça c'est Voltaire, hein, bon, voilà, on reste sur des classiques. C'est marrant parce que il y a un opportunisme fou chez Macron, c'est quelqu'un qui, évidemment et objectivement, tend la main aux islamistes en France, hein. Il l'a exprimé, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui a dit, voilà, oui, non, faut pas trop systématiser, faut faire des transactions, etc. Il y a juste la violence, il faut tolérer les islamistes, mais pas la violence. bizarrement, était capable de faire la distinction. Faut tolérer l'alcool, mais pas être bourré, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, donc il y a cet arrière-fond athée militant, mais qui n'est pas sincère chez un homme comme lui. Alors, bien sûr que lui est probablement athée, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, c'est pas sincère au sens où c'est quelqu'un qui est complètement clientéliste et il s'en fout de serrer la pince d'un islamiste, c'est le dernier de ses soucis, quoi. Mais c'est toujours la posture, hein. Ils aiment bien poser. La barbarie, bon, je vais pas y revenir, mais c'est toujours intéressant de voir où il pose des frontières. Et surtout, j'aime bien quand il insiste sur le mot universel. Il dit voilà, alors pour reprendre exactement son expression, pour pas me tromper, hein, voilà. Donc Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l'obscurantisme. Ah bon, qui décrète ça? J'aimerais bien le savoir. La haine et la barbarie viennent de le frapper. On t'en a parlé. Lâchement, son combat est le nôtre. Universel. Alors là, je suis en total désaccord. En total désaccord. Absolument. Universel. Bah, la preuve que non. Si les musulmans essayent, 40 ans après, d'assassiner Rushdie, c'est bien que les valeurs promues par Rushdie ne sont pas partagées par la totalité de l'humanité. Ou alors, je ne comprends rien. Parce que ce ne sont pas des hommes. À partir du moment où vous êtes un musulman islamiste, vous êtes un monstre. Comme les nazis. Musulmans islamistes, moi, ça veut rien dire. Moi, je pense qu'il y a juste les musulmans. Oui. Voilà. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. En islam, et c'est très clair, et tous les docteurs de l'islam le diront. Il n'y a pas de docteur, il y a des savants en islam, mais vous me comprenez. Aucun dirigeant de l'islam ne peut dire en islam, quand on apostasie, on ne risque pas la mort. Parce que s'il dit qu'on ne risque pas la mort en islam, qu'on ne doit pas être châtié de la peine de mort en islam parce qu'on a apostasié, on n'est plus musulman soi-même, on apostasie soi-même, c'est écrit en toutes lettres dans le Coran, d'accord ? Il n'y a pas de latitude là-dessus, d'accord ? On entre en islam, certains diront comme dans la mafia ou dans la maçonnerie, mais on n'en sort pas, d'accord ? Si on en sort, c'est à ses risques et périls. Et la peine est prévue, d'accord ? Donc, en islam, l'apostasie, c'est très clair, vous apostasiez, on vous élimine. Alors maintenant, est-ce que les pouvoirs publics d'un pays musulman donné, est-ce que les musulmans d'un pays donné vont assassiner, vont exécuter un apostat ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais dans les textes islamiques, il n'y a pas de polémique là-dessus. C'est la peine de mort. Donc quand les gens disent « Oh, mais faut pas tout mélanger, l'islam... » Non, là, il n'y a pas de distinction sur ce point précis par rapport à l'apostasie entre islam et islamisme. L'islam prévoit la peine de mort pour les apostats, point barre. Ce n'est pas une question d'interprétation, ce n'est pas une question d'école ou de courant, ça n'a rien à voir, c'est très clair et c'est indiscutable. Voilà. Et aucun musulman ne pourra jamais le contester d'ailleurs. Voilà. Donc quand Macron dit c'est universel, c'est absolument faux. Et c'est sur ce point-là que j'insiste. Je ne dis pas d'ailleurs que les musulmans ont raison ou pas, c'est pas mon problème. Je dis que les musulmans sont cohérents avec leurs textes sacrés. Et que le problème des démocraties, comme elles sont elles-mêmes, et tu l'as très bien dit, en fait, un ersatz religieux du christianisme, en fait, enfin du judéo-christianisme, j'insiste bien. Exactement. Elles mènent des croisades religieuses. Oui, absolument. Mais c'est judéo-chrétien. Alors, je sais que des gens vont dire, mais non, le judéo-christianisme, ça n'a jamais existé. Alors, moi, ma thèse, c'est que ça existe depuis qu'il y a eu la sécularisation des sociétés chrétiennes pour devenir des démocraties. C'est-à-dire qu'en fait, le judéo-christianisme, pour moi, c'est aujourd'hui la démocratie actuelle. Et elles sont très claires qu'elles ne tolèrent aucun autre système. Et dans ta citation, Vincent, tu dis bien, voilà, Roosevelt dit bien, il ne peut pas y avoir de... La planète est trop petite. Il ne peut pas y avoir de coexistence. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, c'était avec l'hitlérisme. Ou ce qu'ils présentent comme tel, et maintenant ce sera avec l'islamisme ou l'islam. Et oui, mais les musulmans en ont autant au service des démocraties. Eh oui, si vous leur dites que leurs textes religieux, que leurs valeurs ne sont pas tolérables parce que la planète est trop petite, bah les musulmans ils vont dire « Ah bah oui, vous avez peut-être raison, donc il faut qu'on se débarrasse de la démocratie. » Et le problème c'est qu'il y a 56 états musulmans sur cette planète. Pas 3 ou 4, hein. Il y en a 56. Alors, ils appliquent plus ou moins le texte coranique. Je l'entends, je le comprends, hein, bien sûr. La Turquie, c'est pas le Maroc, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Indonésie. Tout le monde le comprend. Mais la source originelle est la même. Et ces gens-là n'iront pas jusqu'à nier la source même de leur propre religion. Donc, voilà pour le dire. Alors, Macron, qui a, et je vous le rappelle, déclenché des émeutes extraordinairement violentes au Pakistan, après l'affaire Samuel Paty, vous vous en rappelez de ça. Macron, après l'assassinat de Paty, Macron s'est retrouvé, j'avais expliqué ça à l'époque, Macron s'est retrouvé aux prises en fait avec la matrice athée de l'éducation nationale héritée de la Troisième République. Là, c'était l'identité profonde du régime français tel qu'hérité depuis 1875 en fait. Donc il pouvait pas faire autrement. Il était obligé de dire, il était obligé de prendre la parole. Il allait à la Sorbonne faire son laïus, bien, en disant que c'était atroce, etc. Bon, c'est... ils ont fait venir des musulmans et bon, les musulmans sont musulmans, ils font des trucs des musulmans. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc un Tchétchène a exécuté Paty parce qu'il avait blasphémé aussi. Hein. Aussi simple que ça. Bon, Macron sent qu'il faut réagir parce que le régime est en danger. Peu importe ce que lui pense par rapport à sa pratique politique, qui est une pratique d'opportuniste et de clientéliste vis-à-vis des musulmans. Il fait son discours, violente manifestation au Pakistan, à tel point qu'il a, les gens ont perdu ça de vue, il a failli avoir une révolution au Pakistan. L'aile la plus radicale de la société pakistanaise est descendue dans les rues en masse. Un grand chef musulman pakistanais a menacé la France d'utiliser l'arme nucléaire et il a menacé le gouvernement pakistanais d'user de la violence s'il ne prenait pas des mesures fortes contre la France. Quelques semaines plus tard, ce chef musulman était retrouvé mort. Donc les Pakistanais ont été obligés d'éliminer ce chef musulman pour calmer les graves troubles que Macron avait déclenchés au Pakistan, qu'il avait déclenchés avec ses propos suite à l'assassinat de Paty. Vous allez me dire, oui, ben, Macron, il dit bien ce qu'il veut, il est en France. Oui, non, on a fait venir des musulmans. La France fait désormais partie du monde musulman, c'est ça qu'on ne dit pas. Donc, quand vous avez une action sur Rushdie aux États-Unis, la France va se retrouver aussi dans la polémique parce que nous avons des millions et des millions de musulmans, plus de 10 millions de musulmans en France. Et c'était déjà pareil au Pakistan. Donc, ce type qui vient nous dire... tout le monde partage les valeurs de Rushdie, c'est universel, c'est archi faux. C'est tellement faux que ce type-là, il a été mis à l'amende par le Pakistan qui a été jusqu'à déployer des menaces très précises. Moi, je suis observateur, je pense que les renseignements français sont très observateurs aussi. Un groupe pakistanais, massif au Pakistan. Le Pakistan, c'est un pays énorme, hein. Il y a plus de 100 millions d'habitants, 150 millions d'habitants au Pakistan, c'est un pays absolument énorme. Hein. Ils ont l'arme nucléaire, ils ont une diaspora partout, c'est pas les agents qui leur manquent. Hein. Ils ont été tagués explicitement avec les couleurs du mouvement, une église dans le sud de la France. C'était une menace, en disant, la prochaine fois, on fait couler le sang en France. Prochaine incartade de votre président, il y a des gens qui vont mourir en France. Les Pakistanais ont des agents. Ils ont des agents. Prêts à passer à l'action. Comme le mec qui est passé à l'action contre Rushdie. Vous voyez ? Donc ce que dit Macron sur l'universalisme, c'est bidon. Les musulmans nous le disent, nous le hurlent, ils insistent, ils nous disent on ne partage pas vos valeurs, on s'en fout de vos valeurs, on s'en fout de votre démocratie, on s'en fout de votre athéisme. On n'en veut pas. Nous ce qu'on veut c'est l'islam, nous ce qu'on veut c'est le Coran, nous ce qu'on veut c'est le prophète. C'est ça qu'on veut, c'est pas vos histoires de démocratie, etc. Voilà exactement tout le non-dit de ce message, selon moi. Qui veut réagir là-dessus? J'étais très long, mais moi, j'aime bien parler ce genre de trucs. Qui voudrait réagir aussi là-dessus? Moi, je peux réagir. Je vais aller dans ton sens, dans la mesure où... Moi, la première fois où j'ai vu le nom de Rushdie dans un texte, c'était un texte de la presse internationale, où l'auteur se plaignait finalement que Rushdie soit détesté dans les pays musulmans, et pas la Chine pour ses exactions vraies ou fausses hein, au Xinjiang. Donc ça m'avait beaucoup fait rire à ce moment-là. Au-delà de cette anecdote, je dirais que Rushdie, finalement... Il précise qu'au Xinjiang, donc c'est tout ce qui tourne autour des Ouïghours et le soi-disant génocide qui les frapperait, Précisons quand même que l'Occident, enfin les démocraties sont les seules à dire qu'il y a un génocide au Xinjiang parce que le Pakistan, l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Indonésie nient absolument, qui sont les puissances musulmanes principales, hein, nient absolument l'Égypte, nient absolument qu'il y ait un génocide ou quelconque persécution contre les musulmans de cette province. Et il faut quand même le préciser, c'est-à-dire que les principales puissances musulmanes du monde nient ce qu'affirment les démocraties occidentales par rapport à la situation des musulmans en Chine. Ça vaut le coup de le relever, donc ce que c'est pour nos auditeurs qui n'auraient peut-être pas compris ta référence. Oui, effectivement, tu fais bien de préciser, merci. Et donc oui, j'allais dire, Rushdie, au-delà de ça, pour moi, je le voyais comme le symbole d'une génération, la génération des boomers, et un outil pour certaines puissances, on va dire, un petit peu comme Chalgoumi est en France. Bon, à la différence que Rushdie a un QI normal. C'est-à-dire que Rushdie était utilisé dans des combats comme, par exemple, la liberté d'expression. J'ai vu des citations de lui, forcément, où on nous disait qu'il était pour une liberté d'expression totale et sans, on va dire, contradiction. Ce qui est assez drôle, c'est que tout le monde applaudit ses discours, mais nous, on est bien placés pour voir que cette liberté d'expression, en fait, même s'ils l'applaudissent, ils ne l'appliquent pas. Et que ce que nous, on pense, comme ils disent, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, comme dit l'expression, beaucoup de croyants, assez peu de pratiquants. Exactement. Au-delà de ça, moi ça m'a fait plaisir de voir quelque chose, bon, c'est un plaisir coupable on va dire, c'est la façon dont la gauche française s'est retrouvée empêtrée dans cette affaire, puisque d'un côté ils ne veulent pas dénoncer l'islamisme, ce qu'on leur reproche, et de l'autre on leur a mis dans les dents cette alliance bolivarienne où se retrouveraient l'Iran, la Bolivie et la France dans leur programme. Tu peux expliciter un peu ce point-là ? Alors oui, c'était en fait dans leur programme, ils le proposaient finalement Le problème de qui ? De la France Insoumise, pardon. D'accord. Le programme de la France Insoumise, ils proposaient finalement de rejoindre une alliance de non-alignés où au final, dans cette alliance, il y avait la Bolivie, etc. Enfin, il y avait plusieurs pays comme ça. Et en tant que je crois que c'était pas directement membre, mais observateur, il y avait aussi deux pays, l'Iran et la Russie. Et là, ça leur est revenu dans les dents, dans les médias, et ils sont en train de se faire taper dessus à bras raccourcis. Et ils ont toujours du mal à finalement à réussir cette intersectionnalité des luttes, on va dire. D'accord. Donc tu dis qu'en fait, suite à l'affaire Rushdie, ils ont été un petit peu accusés d'être des hypocrites. Sous-entendu, voilà, vous versez des larmes de crocodile sur le sort de Rushdie, mais en fait, avec votre bras tendu aux frères musulmans, notamment après l'affaire Youssef, je crois, j'arrive peut-être pas bien à prononcer son nom. Vous savez, le nom de ce prédicateur marocain là, dont on disait qu'il allait être expulsé et que la gauche était contre. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, mais je veux dire, les proximités entre la gauche actuelle et l'islamisme, pour des raisons purement électoralistes, sonnaient assez mal. Avec leur protestation de fidélité à l'égard de Rushdie. C'est intéressant ce que tu dis, puisque j'ai vu que Sandrine Rousseau disait, ça c'est dans un autre registre, mais c'est en Afghanistan, c'est parce que vous savez, à Kaboul, il y a quelques gonzesses qui manifestent, alors soi-disant pour le droit des femmes, je ne sais pas quoi, bon, elles sont toutes voilées, bon, c'est des nanas assez pouponnées quand même, hein, elles ont des lunettes, elles sont manucurées, bon. Bon, voilà, c'est pas les filles du peuple. Hein. Et donc, c'est des bourgeoises, quoi. Les bourgeoises afghanes de Kaboul, la capitale, qui réclament plus de droits, de bourgeoises, je présume. Et ce qui était drôle, c'est que Sandrine Rousseau, bon, une députée de la France Insoumise, connue comme une féministe, on ne le présente plus, hein, et disait « solidarité totale avec ces femmes », etc. Et les gens en commentaire faisaient remarquer que Sandrine Rousseau défendait exactement l'inverse. Puisqu'elle était solidaire des hijabeuses, vous savez, ce groupe de femmes musulmanes qui revendiquent de porter le hijab. Alors, en toute honnêteté, alors je Bon, je sais qu'il y a des musulmans qui écoutent aussi l'émission, mais bon, j'espère qu'ils ont un peu mieux à proposer que les hijabeuses, parce que c'est le pire du pire. C'est-à-dire que c'est la beurette de banlieue à jogging qui met tardivement un hijab pour jouer la pureté islamique. Alors, avec l'accent de banlieue en plus, c'est quand même pas génial, je dois dire. Je veux dire, par ailleurs, je trouve ça totalement normal qu'une femme musulmane porte le voile islamique. Il n'y a pas de... Je suis pas du tout dans le délire laïcar, moi j'ai jamais partagé ce truc-là. Une femme musulmane porte le voile islamique, oui, bon bah c'est normal. Cela dit, tu as raison sur une chose, c'est que c'est quand même toujours aussi bizarre de voir ces femmes musulmanes qui se voilent, mais qui se maquillent. Je comprends pas. Mais si, ça c'est l'anthropologie, c'est des femmes quoi. C'est-à-dire, tu vois, elles vont mettre le plus beau voile pour se mettre en avant, alors que la fonction du voile c'est fait pour dissimuler. Mais à la limite, si c'est le voile, ça je comprends. Tu vois, si tu te prends un beau voile en je sais pas moi quelle matière, mais je veux dire, c'est qu'elle se voile et elle se maquille. Je comprends pas, tu vois. Je comprends pas le concept. Parce que tu raisonnes. Les femmes fonctionnent pas. Si la femme est une femme, elle veut attirer l'attention. Tu lui fous un voile sur la tête, t'en fais pas. Elle va quand même trouver un moyen d'aguicher les hommes. Tu ne vas pas pouvoir. Je sais que les hommes musulmans essayent, mais c'est très compliqué. Tu vois. Peu importe. Donc Sandrine Rousseau. Comme quoi même l'islam a du mal des fois. Là, ils ont du mal, mais je veux dire, bon, ils essayent, mais ils ont du mal. Mais je veux dire, Sandrine Rousseau, donc s'extasie devant les Afghanes. Alors qu'à domicile, en France, elle est à fond avec des nanas qui sont dans des crises identitaires, parce que c'est les contradictions internes de ce système occidental, c'est qu'on fait venir des gens de sociétés traditionnelles islamiques, qui sont des déracinés, qui ne s'intègrent pas dans une société qui fait ce que c'est. Voilà, excusez-moi, il y a quand même des gaps spatio-temporels. Donc, voilà, la France n'est pas encore, ça va changer, mais n'est pas encore un pays musulman. Donc, ces gens-là ont du mal à trouver leur place dans une société, en plus française, qui a considérablement changé depuis 50 ans, 60 ans avec l'américanisation, l'American way of life, quand même. Donc elles essayent d'exister, donc elles surjouent l'islamité avec du voile, des fétiches, si vous voulez. Mais c'est quand même, elles sont manipulées par des musulmans qui ont un projet politique. Et Sandrine Rousseau le sait. Donc quand tu vois la gonzesse dire à Kaboul, c'est génial les nanas qui veulent enlever leur voile, mais par contre à Paris je suis à fond pour le hijab, au bout d'un moment... L'opportunisme de gauche, ça va 5 minutes, tu vois ce que je veux dire. C'est, au bout d'un moment, il faut quand même un minimum de cohérence. Et c'est ce que disent... Ouais, mais si t'es cohérent, tu n'es plus de gauche. Enfin, Nogaret pointait du doigt ce truc-là. Il disait, en gros, bon, c'est pareil, quoi. Les mecs sont là, soi-disant, ils sont contre... En fait, ils étaient contre le catholicisme, ok, historiquement. Mais maintenant que leur clientèle est islamique, finalement, bon, après tout, le monothéisme, même le plus brutal, après tout, pourquoi pas. C'est ça leur incohérence, au fond. C'est ce que disait notre ami Nogaret. Mais ils sont incohérents surtout, si tu remarques bien. Par exemple, leur défense absolue de l'homosexualité. Or, l'homosexualité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rejette l'autre sexe, normalement. C'est celui qui dit, moi, je ne veux que des gens qui me ressemblent. Normalement, il devrait dire, ah, mais c'est pas bien. Vous devez aller vers l'altérité, vers la différence. Mais non, non, à ce moment-là, quand c'est l'homosexualité, là, ils soutiennent à fond. Donc on voit qu'il n'y a aucune cohérence dans leur pensée, rien. Tout est destructeur, tout est dissolvant. Oui, c'est ça, c'est un principe négatif de destruction. Oui, en fait, ces gens-là, ils croient en une espèce de grand chaudron primitif, tu vois, où tu peux faire tout ce que tu veux. Toi, c'est en fait, pour eux, l'être humain, le vivant, en fait, le monde, c'est de la pâte à modeler, en fait. C'est on peut faire ce qu'on veut, voilà, et... Il n'y a pas de nature humaine. C'est un peu l'idée de Rushdie. J'ai envie de préciser quelques citations, parce qu'il y a des gens qui pourraient s'exalter pour Rushdie en disant « Ah là là, il rejoint notre lutte, et ça. » Non, non, non. Non, non, c'est quelqu'un qui s'inscrivait totalement dans le projet de la mondialisation. Voici ce que je cite, hein, 2017, dans un ouvrage intitulé « The Ethics Incubator », donc l'incubateur des éthiques. « La migration est un fait incontournable. Le monde ne va pas se démondialiser. Je pense que dans l'ensemble, historiquement, cela a été enrichissant pour les pays d'avoir du sang neuf. » hein, dit-il. Et il a régulièrement dit qu'il soutenait la politique d'immigration. Il faut savoir que c'est un membre du Parti travailliste, hein, Parti socialiste britannique. Donc, alors la démondialisation, c'est très rigolo, puisqu'on voit avec la Russie et la Chine qu'on est en pleine phase de démondialisation. On a parlé de la compétition entre systèmes économiques concurrents, hein, Chine, États-Unis, avec leur périphérie. Donc ces deux empires sont en train de s'affronter. Et donc, ce qui est en train de se produire, c'est que, de fait, il va y avoir des sphères d'influence qui vont devenir hermétiques. Donc, soit on sera un partenaire de la Chine, soit on sera un partenaire des États-Unis, mais on ne sera pas les deux. Hein, ça sera très difficile d'être les deux à la fois. Il y aura certainement une tentative de non-alignement, mais ça ne risque pas d'aller très loin, parce que contrairement au système communiste d'antan, la Chine sera un modèle économique très performant. Très très performant. Ils auront beaucoup d'argent, les technologies, de véritables alternatives. Et donc, ils auront une capacité de séduction, hein, notamment les pays du tiers-monde, puisque la spécificité de la Chine est de ne pas poser de conditions politiques. C'est pour ça qu'ils réussissent beaucoup dans le monde musulman. D'ailleurs, ils ont pris langue tout de suite avec les talibans en leur disant « Votre système politique, religieux, ça ne nous intéresse pas. » Contrairement aux religieux américains, c'est ce que disait avec Roosevelt, hein, qui disent « On veut changer votre société. » Les Chinois disent « Non, non, mais vous voulez appliquer la charia ? Formidable. Très, très bien. » Vous voulez vivre comme vos ancêtres ? Extraordinaire, on s'en fiche. Faisons des affaires plutôt. Et les talibans sont extraordinairement satisfaits de cette relation. Les talibans vont commander en Chine tout ce dont ils ont besoin. Bah, tout simplement parce qu'on a un retour à une... pragmatique, j'allais dire un retour à une conception de la géopolitique westphalienne. Et on quitte enfin le wilsonisme, en fait. Oui, exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est ça qui crée tous les problèmes de l'Occident, c'est parce que à force de promettre des choses aux autres, Et alors, pour en terminer avec Rushdie avant qu'on se sépare, Pivot. Vous connaissez Pivot ? Ben, Pivot, quand même, très connu. 87 ans quand même, hein, bon, âge vénérable, il fait cette déclaration sur Twitter, donc lui il écrit lui-même ses tweets, hein. Le 16 février 1996, j'avais reçu Salman Rushdie dans mon émission. La police était présente, jusque sur les toits de l'immeuble de la télévision. Avec le temps, sa protection a dû se relâcher. Suite à l'attentat, il constate, il se dit, bon bah, les gens qui voulaient l'assassiner ont réussi à ne pas l'atteindre, mais à l'époque, il était très surveillé. Et il continue pour conclure, « Mais la haine de l'islam contre l'écrivain n'a jamais faibli. » La haine de l'islam, pas de l'islamisme. Ah, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme déclaration, monsieur Pivot. Donc, Pivot a eu plus de courage que tout le monde, y compris que la droite française. Kevin Bossuet, un commentateur de droite, présent sur CNews très fréquemment, a dénoncé les gens qui disaient que l'origine de l'attaque contre Salman Rushdie se trouvait dans l'islam. Il a dit « c'est faux, nous avons beaucoup de compatriotes musulmans qui sont pacifiques, etc. Ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est l'islamisme ». Donc créer cette dichotomie, hein. Il y a l'islamisme et l'islam. Marine Le Pen fait la même dichotomie, d'ailleurs. Pivot, lui, va plus loin. Il dit non, non, c'est l'islam. Intéressant. Bernard Pivot est plus dur, plus radical que Marine Le Pen, ou que des commentateurs de droite sur CNews. Et là, on a un commentateur sur EELB qui fait la remarque suivante, c'est Hitler Skelter qui dit ceci. Et il dit, mais attendez, les reproches des gens qui sont faits contre Pivot, parce que Pivot a été très attaqué pour sa déclaration, notamment par beaucoup de musulmans, qui ont dit que ça n'avait aucun rapport avec l'islam, bien sûr, hein, bon, en le menaçant par ailleurs, il dit « Ouais, ça, c'est pas vrai, l'islam n'est pas violent, t'arrêtes sinon on te tue ». C'est un petit peu la dialectique, quoi. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des gens à droite qui ont dit la même chose. Et alors voici ce que cite Hitler Skelter. C'est Rushdie. Rushdie dit ceci, il faut arrêter l'aveuglement stupide face au djihadisme qui consiste à dire que cela n'a rien à voir avec l'islam. Ça, ça date de 2017. Donc je redis, donc en 2017, Salman Rushdie dit ceci, il faut arrêter l'aveuglement stupide face au djihadisme qui consiste à dire que cela n'a rien à voir avec l'islam. Donc on s'est retrouvé dans une situation ubuesque en France où des gens condamnant l'attaque contre Rushdie, qui disaient la même chose que Pivot, accusaient Pivot d'être, comment dirais-je, un incendiaire, parce qu'il disait la même chose que Rushdie. C'est fascinant. Donc voilà, hein, donc Pivot a dit exactement la même chose que Rushdie, et les gens qui ont attaqué Pivot pour condamner l'attaque contre Rushdie ont dit qu'il aggravait la situation, alors que Pivot se contentait de répéter ce que disait lui-même Rushdie. Voilà dans quel monde on est, pourquoi ? À cause de la trouille, à cause de la peur, tous ces gens ont peur des musulmans, ils ont peur d'être assassinés. C'est la peur qui guide les comportements aujourd'hui en France, et tous ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas assimiler l'islam à l'islamisme, même si la racine du mot elle-même, en fait, on la trouille, ils ont la chiasse au cul, c'est ça qu'ils n'osent pas dire, hein. Voilà mon point de vue là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Je vais vous répéter ce que j'entends, en gros, c'est que l'islam n'a rien à voir avec les radicaux, avec ses propres radicaux. Par contre, l'islam a un rapport direct avec la construction de la France, paraît-il. Ah bon, comme certains disent. Qui t'a dit que c'est... La dernière fois que t'as entendu ça, c'était où et quand ? Ça m'intéresse. Je suis désolé, j'ai pas les... C'est un truc que j'ai entendu il y a longtemps. C'est des... De toute façon, ça fait partie des conneries qu'on entend régulièrement. Comme quoi, il y aurait des... Les Vikings étaient musulmans, en réalité, parce qu'ils ont retrouvé des pièces de commerce. Enfin, vous voyez le genre. Mais j'ai entendu ça il y a longtemps. L'islam fait partie de l'histoire de France, en fait. C'est tout à fait le genre de phrase qu'on peut entendre en milieu politique. Ça mourir d'heure, donc faut gober ça. Puis quand il y a des attentats, bah écoutez, les extrémistes musulmans n'ont rien à voir avec l'islam. Voilà. Effectivement. Eh bien, messieurs, merci. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut les gars.